vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bon matin, bienvenue à Assemblage requis en ce mercredi 6 février 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Salut Jean-Philippe Charbonneau, dernière minute Charbonneau. Oui, mais ben timé, hein, t'as-tu vu ça? T'es de même, t'es sur le piton. Ouais. Va falloir faire attention pour ne pas s'endormir sur le piton, tu sais, comme on dit. En l'autre pas ça à switch, comme puis, on dit. J'ai perdu d'ailleurs mon piton. Mon piton, ça a l'air sexuel à mort, ça, attends un peu, là. Ouais, non. Tu t'es fait péter le piton? Ouais, c'est ça. Oh mon Dieu. Vous partez dans bien trash ouais. À matin. Ça part bien, hein, on sait. C'est mercredi, ça paraît? Ben, différent des autres mercredis, pas du tout, parce que c'est notre journée fofolle. Soyons fous. Qu'est-ce que tu veux dire, juste pour terminer la parenthèse sur ton piton? Je sais pas, j'essaie de faire une joke de serpent. Huileux et rempli d'écailles. Ouais. Encore très sexuel ici. Genre, disons ça comme ça, oui. Ouais. Alors, studio avec nous, Stéphanie Paradis. Oui, bon matin. Ça commence bien. Mais oui, super. Oui. La rédactrice en chef. On a tellement de différentes façons de le dire. Prédatrice en chef, décoratrice en chef, dictatrice en chef. On ne sait plus où donner de la tête. Mais écoute donc. Bon. Elle va nous faire la chronique sur le campus à 7h30. Oui, c'est ça. C'est selon toi, ma Boring Edition. Boring Edition de Stéphanie qui nous fait les petits bonheurs aux deux semaines et qui est tellement plus intéressante. Ah, mais j'ai essayé d'être moins plate. Là, je vais essayer d'amener un petit peu de bonheur aussi le matin où je fais le zone campus et que elle vous, va faire les pirouettes tout et le long que vous m'écoutez pas. Ben, j'ai décidé de continuer la nouvelle tradition. Là, ben, quand ça fait juste deux fois, c'est pas vraiment une tradition. Mais je vais faire une tradition et on va continuer le petit club des déjeuners requis. Ah, que c'est fun! Donc, je vous ai encore ramené des muffins. Moi, je me trouve très drôle avec mes muffins. Cette fois-ci, ce sont des muffins choco-banane. Donc, si vous voulez déjeuner, je vous apporte ça. En parlant de piton, banane, bon. Hein? La malaise. La forme ou... ouais. Okay. J'ai encore besoin de mon bruit de criquet. On n'a pas ça stock, là, mais Annabelle? Je peux roucouler dans le oui, micro. Roucoule, oui, roucoule. Ah, que c'est charmant. C'est charmant. Annabelle Maton. Salut. Bon matin. Bon matin. Tu vas nous faire ta chronique, j'étais moi non plus à 8h30. Oh, yep. De quoi on parle aujourd'hui? Aujourd'hui, ben, je vais parler du Kama Sutra puis essayer de démystifier un peu ça parce que c'est pas juste des positions sexuelles. Ah-ha! Ah-ha! C'est une philosophie. Oui. Chose comme ça. Oui. 8h30. Avant ça, à 8h, on aura David Ferron et sa chronique La langue dans ton oreille. David Ferron qui, des fois, est là dès le début, des fois, n'est pas là dès le début. On le prend quand il arrive. Puis c'est toujours bien drôle, donc on l'attend pour rire de lui. Non, avec lui, avec lui. De lui. Mathieu, t'es vraiment un bitch. Ah, on fait ça. C'est de même qu'on est, David, puis nous autres. Puis toi, puis moi, puis toi, c'est moi, c'est nous autres. Mais on ouais, est tout de même, on spin, on s'interpine. On se... De toute façon, y es-tu là? On s'interpine. Ouais, on s'interpine. Oui, les absents ont toujours tort, donc voilà. Quand il arrivera, il pourra se défendre. Superbe. On va aussi, là, j'avais écrit ça parce que c'était supposé être dit après Annabelle Maton, là, mais mettons Annabelle Maton, chronique de sexe, nanananananana. Oh, bon. Ouais. Et on va se péter à la scène. Dans le sens, on va gaspiller notre dernier argent. Avec la chronique sexe, ça devrait répondre là. Hein? C'était un beau lien que j'avais essayé de faire dans le résumé de l'émission. On va prendre tous les sous-noirs qui nous restent, on va les mettre collectivement pour s'acheter une cochonnerie. C'est ça, pour pouvoir s'en débarrasser. C'est très, très beau. Mais là, c'est fini, là. C'est ça. Faut les dépenser. Non, on a le droit de les dépenser encore. Oui, on peut les dépenser. On peut les échanger, ouais. Sinon, ce serait comme jeter à la poubelle de l'argent. Ouais. Non, je trouve ça inacceptable. S'il me reste 2-3 sous-noirs, je tiens à ce que... On se fait des colliers avec. Ben, j'ai justement lu quelque chose hier. Ça ne surprend pas du tout. C'est une artiste qui a récolté plein de sous-noirs, ben, qui a fait comme la demande à tout le monde. Et elle va faire des bijoux avec les sous-noirs. Je pense qu'elle a ramassé comme 120 000, là, quelque chose comme ça. Wow. C'est vraiment une quantité assez astronomique. Là. Ben, en tout cas, ça arrive en même temps que les REER. Moi, je trouve ça un petit peu louche. C'est là. Il y a quelque chose derrière. Inconfortable, hein? Ouais. Donc, c'est l'émission d'aujourd'hui. Ça et plus, évidemment, si on a du temps. Si on le veut. Pas plus que ça. C'est assez, non? Ben, hey, ils sont-tu demandants? Même si on n'a pas le temps, je trouve qu'on en prend souvent pour faire le « et plus ». Oui. On va le prendre pareil. C'est vrai. Il y a aussi l'intro qui est toujours très longue le mercredi, mais on aime ça de même. Ben, coudonc. Ben, en même temps, 4 minutes 30, c'est comme un sixième de l'intro du dîner de con. Fait que tu... Quand tu penses, ils font 24 pire, minutes d'intro. Au pire, les gens qui viennent se joindre à nous, ils font pas comme « Ah, oh, ben, c'est pas l'intro. » Tu sais, l'émission est partie, puis ça finit là. Start aux pommes. Bon. On va aller en musique. Ouais, faisons ça. Commençons avec une pièce qui représente très bien l'émission d'aujourd'hui. Hein? « Faire du bruit » de l'indice. Parce qu'on va être nombreux. On va avoir bien du fun. Ouh. À se péter à la scène. Ça pètera tout seul, OK? Ouais, parle-moi toi, là. Motopété. Interpine et autopine. C'est autopiste. Autopédéraste. Oh! Oh, j'en place tes mots. Faire du bruit pour du bruit. Scatter what remains. Scatter what remains. Patrick et Speed the Collapse à assemblage requis. Toujours avec Stéphanie Paradis, Annabelle Maton et maintenant Tom Cruise lui-même. Ouh! Yes. Oh yeah! Yes. T'as commandé un masque de Tom Cruise à 7$ en carton avec une ficelle en arrière. Ouais. Juste pour résumer la situation. Merci de rire de moi en nombre. Ça fait plaisir. Ben oui, mais écoute, j'ai commandé ça. Je pensais que c'était en caoutchouc. L'image, il est tellement bien fait. C'est tellement du beau carton. Vraiment. Je pensais que c'était du caoutchouc. Pas 7$ de carton, mais c'est du beau carton. Allez. Tu ouais. pensais vraiment qu'à 7$, il serait en caoutchouc? Ben oui. Naïf ouais, un peu. J'ai été naïf de même, oui. Oh, c'est beau. Oh. La naïveté de la jeunesse comme ça. Ouais. C'était pour le carnaval, pour votre sujet, votre thème Mission Impossible. Impossible. J'ai été ébahi. Ebay. Oh! Ebay, incroyable. Unbelievable. Oh non. Unbelievable. Bon. Donc, ton masque, tu l'as reçu en retard, malheureusement. Tu n'as pas pu le porter pour le carnaval, mais tu vas le porter tout le reste de l'émission pour faire de la bonne radio. Ah, oh, ben je préfère ça, oui. Tu pourras pas, il n'y a pas de trou dans la bouche. Ah, ben c'est pas grave. Ah, oh, ouais, ça va faire. Ben oui, on est en train de plus rien, tu sais, c'est en carton. Allô? Oh non, ça coupe tout. Ça coupe tous les sons. Mais étrangement, avec les trous à la place des yeux, il a l'air plus sain d'esprit que le vrai Tom Cruise. Moi, il me fait peur. Ouais? Ben oui. T'as essayé de l'embrasser tantôt, c'est parce que t'avais l'air. Oui, c'est parce que c'est Annabelle qui était derrière. C'était même plus qu'embrasser, c'était un French. Puis il n'y a eu aucune émotion, hein, disons-le. Non, mais tu vois, s'il y avait une langue dans son masque, là, ça pourrait valoir 7$. Oui, là, ça pourrait être popé. Un masque de kiss. Bon, donc, parlant de choses qu'on peut acheter sur eBay et ailleurs, hein, c'est quelle transition incroyable et impossible. J'aurais pas pu demander mieux. Voici, ça existe, mais ça devrait répondre là. C'est impossible, je viens de la comprendre. C'est impossible. Transition, carrément. Ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a, vous l'aurez compris, c'est la chronique avec le plus long nom. Tu sais, on a plusieurs sortes de chroniques. La chronique avec le plus long chanson thème, la chronique avec le plus long nom. On gagne tous les prix. Je suis même pas capable de le redire, le nom de la chronique, c'est pathétique. Mais je le dis tellement souvent que ça coule de ma langue, là, c'est ça devrait pas. Là, ouais, ça va trop ça. Vite. C'est beau de dire ça. Ça coule dans ta langue. Ça coule dans ma langue. Moi aussi, j'ai stické là-dessus. Il y a rien là, c'était bien correct comme phrase. Donc, allons-y. On a une longue liste de magasinage aujourd'hui. On va dépenser nos dernières scènes noires. Éclatons-nous la scène. Oui, ça a l'air bizarre quand on l'a dit tantôt, ça a l'air pire dit de même. Oui. Bon. Donc, pour commencer, c'est la Saint-Valentin qui s'en vient. Pourquoi ne pas envoyer une carte de fête? Une carte de fête, une carte de n'importe quelle fête comme la Saint-Valentin, c'est un peu plate, c'est un morceau de carton. T'sais, des fois, ça va coûter proche de 7$ comme le masque de Jean-Philippe. Mais celui-là, c'est un morceau de carton, mais en fait, qui n'est pas en carton. Tu peux manger la carte. Oh. Va te manger la carte. Oui. Tout peut avoir l'air sexuel quand t'essayes, hein? Oui. Donc, c'est Emily Evans et Miss KK, voilà. Donc, c'est un cœur anatomiquement correct entre deux crânes et on peut manger la carte. Donc, c'est ça, c'est super beau, super joli. Joli. C'est un drôle de genre, j'avoue, comme dessin. Chaque carte est faite d'huile de légumes, de végétales. Huile végétale, c'est ça qu'on dit en français, huile végétale, composée de légumes. J'imagine végétal, végétal, pas juste légumes, là, tout ce qui est végétaux. Ouais, pourquoi qu'en anglais c'est vegetable oil? Ben, on a tellement d'affaires dans la liste de magasinage qu'on n'a pas vraiment le temps de décortiquer les mots. Décortiquer. Ou de bien les prononcer non plus. Mais là, Mathieu, est-ce que tu es en train de me dire que les cartes de vœux ne se mangent pas toutes? Ah! Ben, ça se mange avec du ketchup au primaire. Je pense que les enfants mangeaient tout du papier avec du ketchup. Ben, je sais pas, j'ai tout le temps mangé mes cartes. Je trouve ça un peu bizarre que tu m'annonces ce matin. Ah. Il y a vraiment des exprès pour ça. Il n'y a plus rien qui m'impressionne avec toi. Et même l'encre du crayon qui vient avec est aussi mangeable. Oh. Hein? Est-ce qu'il y a une saveur? Ah, c'est pas précisé, mais le crayon est bleu, donc j'imagine que ça doit être framboise bleue, le fruit qui existe pas, mais qui est dans tous les. Tout ce qui est bleu, c'est de la framboise. Ou bleuet, peut-être. Non, c'est plus bleu foncé mauve, tu sais. Mais bon. Bref, Anatomical Heart Pop-Up est le nom du produit. Le prix est, genre ce que j'ai cliqué sur le lien alors que c'est écrit dans l'article, 12$. Voilà pour chaque emballage mangeable. Ça, c'est la carte, l'enveloppe, je crois pas que l'enveloppe est mangeable, et le crayon. Si tu veux sniffer le crayon, libre à toi. Je sais pas s'il sent quelque chose de particulier. Mais bon. Ensuite, toujours pour la Saint-Valentin, c'est Pandora's Pops. C'est des soupçons aphrodisiaques. Incroyable. Ça dit pas pourquoi c'est aphrodisiaque ou qu'est-ce qu'il y a dedans. Et il n'y a aucune preuve, mais ils disent délicieux, exotique et réchauffant. Genre, c'est comme chaud. C'est peut-être sousson. Aphrodisiaque parce que c'est en forme de testicule. Ah non, c'est des cœurs, excusez. Ah, une paire de fesses à l'envers. Ouais, parce que mais oui, mais il est gars, brun. Il est brun. Oui. Un soupçon brun. Mais on dirait un soupçon à l'érable. Ouais, un peu. Je pense pas aux huîtres. Un saucisson aux huîtres. Wow, au moule. Au petit jus d'huître. Donc, il y a plusieurs saveurs de disponibles. Il y a cannelle. OK. T'as pomme, genre, et automne, si on veut. Juste, leurs noms sont bizarres aussi. T'as Flight Attendant Cinnamore pour, genre, la cannelle. T'as 50 Shades of Earl Grey. Au thé noir et au bergamot. Quand il y a bergamot, je connais pas ça. Bergamot, toi. Ouais. T'as à la jasmine, gingembre. Au jasmin. Jasmine. Oui. À la jasmine. À la jasmine. Non, mais pensez à la fleur, jasmine. Je sais que c'est une fleur. Pas ben, moi. C'est pas du jasmin, ça. C'est ouais, du jasmin. Hein? Mm-hmm. Ah! 3 contre 1, là. D'accord. Même moi, je savais ça. Non, mais je m'assume dans ma non-connaissance de fleurs. Si j'avais su ça, Jean-Philippe, moi, je l'aurais pas dit que je connaissais ces fleurs-là. Mais bon, non, c'est une blague. On n'est pas de même. On juge pas les gens. Oui, non. Ben non, on juge jamais. Un suçon au personnage d'Aladin. Jasmine. Oui. Je pensais à genre. Je cherchais un personnage Raymond qui s'appelait Suçon. Ben oui, je pensais à Jasmine Raymond, de son petit prénom. Jasmine Raymond. Salut, Jasmine. Salut. Tu nous écoutes. En tout cas, bref. Ouais. Ensuite, vous voulez construire votre propre super-héros parce que dans la vie, on a assez de. Bon, tu sais, Jasmine Raymond. Adrainville, c'est un très beau nom de super-héros. C'est la linguistique, hein, la super-héroïne de linguistique. Oui. Superman, Spider-Man, ça va faire là, tout un même. Là, ça tourne en rond, c'est fatigant. Donc, le Create Your Own Super-Hero Kit, c'est bon. Donc, pour faire votre propre figurine, ça vient avec plusieurs corps, plusieurs têtes, plusieurs mains. En fait, si vous achetez l'ensemble, ça vient avec trois bases articulées. C'est des corps de 4 pouces de haut, 5 têtes avec différents masques et cheveux, 2 paires de mains, 2 capes, 6 pots de petites peintures, là, je sais pas si c'est de la gouache ou quoi. Là. T'as une feuille de d'autocollant. Et puis vous allez pouvoir créer votre propre super-héros. T'as-tu vu le super-héros qui est fini? Comme qui est simili-fini? J'ai l'impression que le mien aurait pas l'air de ça, vraiment. Non, moi non plus. Celui qui ressemble à genre un Captain America. Ouais, mais il a oublié de peinturer le bas du visage. Oui. Ouais, ça reste très, très blanc. C'est le super-héros raciste du Ku Klux Klan, si je pense. Bon. Donc, ça coûte 40$, le Make Your Own Superhero Kit. Voilà. Parlant de figurines, tout le monde dans sa cafétéria locale, dans son école, a une lunch lady, la femme de la cafétéria. Ils se ressemblent toutes, hein, donc il n'y a pas besoin de varier, de customiser, personnaliser ça. Donc c'est Lunch Lady Action Figure qui vient avec son propre petit truc de cafétéria, là, un genre de table avec la place pour mettre le cabaret. T'as le cabaret qui vient avec et t'as différents t'as affaires qui ressemblent à de la bouffe, mais tu sais... Il y en a comme 9, en tout cas, selon l'image. Là. T'as comme, mettons, des patates, du macaroni au fromage. Donc, la figurine mesure 5 pouces de haut. C'est en vinyle. Et c'est ça. Faut pas être un peu trop fan de Madame de Cafétéria. je trouve ça un peu étrange. Tu peux faire du... comment t'appelles ça? Les petites poupées voodoo, peut-être. Ah, ben si oui. J'aime vraiment pas. Je trouve ça drôle parce que ça a vraiment l'air dégueulasse. C'est comme dans la vraie vie. Oui, la bouffe a l'air louche. Puis elle a son petit filet sur la tête, ses grosses lunettes, puis sa grosse bonnette. Mais c'est tellement pas salubre, elle met ses deux mains dans les deux. Mais peut-être des gants. Je pense qu'elle a des gants, par contre. Je vais pas te contredire. Ouais, mais même à ça. Même à ça, les gants, ils ont touché à quoi, tu sais? Je pense pas qu'elle change ses gants à chaque affaire. Hein. Hey, à la cafétéria, dans le temps, l'anecdote, là, parce qu'on a le temps, c'est bon. Mais, non, je dirais pas son. Un des gars à la cafétéria, OK? Bon. C'était fait dire de changer ses gants par un client. Parce que le client l'avait vu qu'il avait manipulé plusieurs affaires, fait qu'il dit change ses gants, puis le gars de la cafétéria l'a tellement pas pris. Hein. Puis il a tellement dit à l'autre madame, genre, sors-le parce que moi, je veux pas le servir. Hein. Oh, anecdote. Oh. Wow. Tu sais, la cafétéria, c'est hardcore, c'est intense. Ouais. Des chicanes de même. Ah, les gars. Moi, ce que je trouve bizarre, c'est dans les toilettes, dans des restaurants, il y a un certain restaurant que je ne nommerai pas. Il y a une petite affiche qui dit « Les employés doivent laver leurs mains ». Oui. Là, je suis comme « C'est vraiment nécessaire de le préciser ». Apparemment. Hein? C'est un peu pathétique. Me semble que tu vas aux toilettes, tu laves tes mains, c'est tout à fait naturel. Surtout si tu travailles dans le restaurant. Surtout. Fait que ça veut dire qu'il y a sûrement quelque chose qui s'est passé pour que tu mettes ça. C'est quand t'es pas bien payé, des fois, tu peux prendre ta revanche. Pas me laver les mains. Mais je tiens à féliciter, et là je veux pas chialer parce que moi c'est pas mon genre de chialer contre les employés de l'université du tout. Hein. Je vais juste les féliciter d'avoir enfin lavé la poubelle de la toilette des gars qui ont lavé la poubelle. C'est un message de félicitations. Prenez ça positivement. Pour la première fois en 3 ans. C'est moi. Donc, ensuite, si vous voulez faire de la pizza dans votre voiture, les enfants, hein? Oh my God! Oh my God! Oh my God! Donc, c'est un pizza de 12 volts. Un pizza. Un four à pizza. Il manquait deux mots. Four à pizza de 12 volts. Ouais. Le Rode Pro RPSC 912 volt portable oven and pizza maker. Ça pourrait être le nom d'une de tes chroniques. Ah! Oui, ou une chanson au thème qu'on pourrait chanter. Ouais. Donc, c'est ça se branche dans l'allume, cigare, cigarette, courant, peu importe comment ils appellent ça de nos jours, là. Hein, je sais pas, ça change de nom. C'est comme le cendrier qui s'appelle quoi, le porte-monnaie. Ou... Faut pas dire que c'est pour les cigarettes. C'est un rack à... Moi, je pensais qu'il y avait plus ça dans les voitures. Non, il y a encore ces affaires-là. Mais tant mieux! Ça sert à charger ton iPhone aussi, mais de faire des pizzas sur le siège du passager. Pour remplacer le passager, à la place de dire « shotgun », non, tu prends pas le shotgun. Le shotgun, c'est le four à pizza. Tu vas en avoir. Non, mais moi, dans mon auto, il n'y a pas d'allume cigarette. C'est juste électrique. Je veux dire, tu peux pas allumer de cigarette avec ça. C'est un peu plate, là. Ben là, je sais pas, je fume pas. C'est correct. C'est-tu drôle? Mais je pense que t'as raison, il n'y a plus de trucs pour allumer les cigarettes, non, littéralement. C'est ça. Je pense que t'as bien raison. Toujours dans le domaine de faire de la nourriture, c'est le Grubhub qui amène la cuisine au complet à l'extérieur de chez vous. Hein? Wow. 380$ pour le Grubhub, c'est une cuisine portable, ça existe depuis quelques années, moi je viens d'en entendre parler. Donc littéralement t'as un lavabo, ok, t'as un comptoir là-dedans, t'as un fourneau, un four, des compartiments pour mettre les chaudrons, t'as des trucs pour attacher une lanterne, une petite lampe, là, si mettons tu veux faire de la cuisine la nuit, la petite table mesure 9 pieds carrés, c'est comme un genre de couteau de l'armée suisse là. Mais oui. Pour la cuisine. Mais c'est cool, c'est un peu comme pour les barbecues de stationnement qu'ils font aux États-Unis là, avant les matchs tailgate, de sport. Tailgate. Les Patriotes font ça, les tailgates. Ouais. C'est station. Cool ça. Oui. Très cool. Comment ça, il y a un lavabo? Faut que tu te laves les mains. Ah ben oui, mais l'eau est où? J'imagine que tu squirtes ta bouteille d'eau. Ça doit être ça. Ça doit être ça. tiens, ça c'est génial. Tu sais, on s'est dit tout le temps, je vais pas repasser mes pantalons parce que c'est tellement compliqué de repasser des pantalons sur une planche à repasser normale, tu sais, qui est d'une forme, vous connaissez la forme d'une table à repasser. Celle-ci est faite en forme de jambe. Donc, littéralement, elle est divisée en deux et tu peux entrer la jambe d'un bord et la repasser. Pour vrai, c'est une très bonne idée. Moi, peu importe la forme, je suis incapable de repasser des vêtements sur une planche à repasser. J'ai aucun talent, je fais plus de plis qu'il y en avait jadis. T'as-tu un fer à repasser, toi? Oui, j'ai un fer à repasser. Ben, je vais te l'acheter, j'en ai besoin. Je vais te le repasser. Non, moi, ma mère m'a acheté un truc, tu mets ça derrière la porte, donc tu peux accrocher tes vêtements et t'as le petit truc à vapeur, fait que dans le fond, ça fait pas de faux plis parce que c'est pas à côté. C'est tout à fait merveilleux. Merveilleux. Mais l'affaire dont je parle, la station de repassage, si vous regardez la vidéo, vous pouvez, et là, c'est vraiment le fun, vous pouvez écarter les jambes de la, pour vrai de la faire repasser. La faire en forme de planche à repasser où il est quartier, genre, pour pouvoir faire différentes sortes de vêtements. Pour vrai, c'est très bien fait. Allez voir la vidéo juste pour voir le gars quartier, genre, de l'affaire. 22$, une fois que ça va sortir, c'est sur Kickstarter en ce moment, donc ça demande de l'argent. Et je ne sais pas où ils sont rendus dans le processus. C'est sur Quirky, mais c'est un peu la même chose. Voilà. Ensuite, le prochain est juste pour Stéphanie, c'est pour ça que j'ai choisi. C'est pas le genre de choses dont je parle parce que ça a l'air trop utile. J'aime mieux parler de choses inutiles d'habitude, mais ici, c'est des talons hauts. De R2-D2. C'est beau, je suis émue. Décris-les, Steph. Ils sont vraiment beaux. Ah, oh, mais le talon, c'est vraiment chouette parce que c'est comme une petite figurine de R2-D2, donc c'est vraiment chouette, là. Ah, oh, c'est mignon. À mettre à toute occasion. Ouais. Oh. J'ai bien visé, hein, mon article là-dessus. Est-ce que t'avais le prix? Est-ce que t'avais vu le prix? Je regarde, là, mais je trouve pas. T'as un peu. Page du produit. Cher. Bah, je sais pas. Ça coûte... Ah, je pensais que le prix serait là. Je le vois pas. Je ne le vois pas. C'est dommage, ça. En tout cas, bref, il y a tellement d'insolutions. Je pense que c'est que tu peux les faire toi-même. Hein? Je crois que tu peux pas l'acheter. Il faut que tu le fasses toi-même avec la figurine. Ouais, c'est ça. Il y a tellement les étapes. Ouais, OK, c'est ça. C'est mais c'est cool, parce qu'il y a même la petite lumière comme sur le devant de la chaussure qui allume. Puis, c'est génial. C'est ouais, sur le site instructables.com qui offre des PDF vraiment pour fabriquer avec des trucs des fois à découper. C'est comme une affaire de bricolage. Instructables.com. Allez voir le lien sur assemblagerequis.com. On continue avec un crayon qui va corriger vos fautes. En fait, pas en vous disant quelle est la faute que vous avez commise. Oui, parfait. Moi aussi, j'ai mon crayon, par contre, c'est une fille. C'est ça. Pareil. C'est comme un crayon sans les faces avec des cheveux. Puis qui chiale un peu. Qui chiale un petit peu beaucoup. Puis qui fait des muffins. Et une chance. Ah, ton crayon, fais-tu des muffins? Ah, non, malheureusement. Et malheureusement, Stéphanie ne parle pas en allemand. Et le crayon parle allemand. Ah. C'est le but de la chose. Donc, c'est un crayon qui va corriger tes fautes en vibrant. Ça peut corriger les fautes et aussi la calligraphie. Donc, vraiment, si tu fais un B qui est supposé être un D dans le mot, ben, il va t'avertir en vibrant. Puis ça va te dire, bon, ça. Fait que là, tu fais des gros barbeaux. Quelqu'un qui écrit vraiment mal, le crayon part, puis... Ça arrête plus. Donc, entre 160 et 200 $ présentement, c'est encore juste en pré-vente. Vous pouvez pas l'acheter littéralement. Mais bon, de toute façon, vous ne parlez pas en allemand et peut-être qu'un jour, il y en aura une version française. Ensuite, pour les célibataires ou les gens en appartement, les étudiants, c'est une mini-laveuse qu'on met sur le comptoir. 5 litres d'eau utilisée à chaque fois. C'est un cycle de lavage de 15 minutes et un 3 minutes de rinçage. Tu remplis ça d'eau. Et puis, tu places le tuyau dans le lavabo et ça va laver, par exemple, des barbouillettes bas. Petit sous-vêtement, lingerie. Mais oui, ça peut être pratique. Si justement, t'as juste comme 2-3 petits morceaux à laver, tu pars pas une brassée pour ça. T'as pas le temps comme de faire une grosse brassée puis t'as plus de bobettes, mettons. Et voilà pour un beau petit rendez-vous galant. Ouais. On sait pas s'il y a un cycle d'essorage. Peut-être que ça va être long à sécher, par contre. Peut-être, mais tu sais. Ah, petit prêt à payer 160 $ pour cette laveuse de comptoir. Quelle idée. Celui-là, le solo shot, c'est pour quand vous voulez vous prendre en photo, mais que vous n'avez pas d'amis avec vous. Peut-être êtes-vous rejet ou je sais pas trop quoi. Donc, c'est une affaire, c'est comme un robot. Dans le fond, c'est une caméra robotisée, une base sur laquelle on peut monter n'importe quel appareil photo qui a un truc pour trépied. Là, tu sais, la plupart des appareils photo ont un petit trou à trépied en dessous. Donc, ça peut tourner à des vitesses de 40 degrés par seconde, 360 degrés. Et puis, ça peut traquer le... traquer, en tout cas, bref. Surveiller le sujet jusqu'à 2000 pieds de distance. Et, en tout cas, bref, plein de détails comme ça, ça va te suivre pour te prendre... Dans le fond, tu vas tout le temps être au centre de l'appareil photo ou à l'endroit où tu précises pour faire, mettons... C'est cool. Du skate, mettons, tu veux pas que ton ami te voit te péter à la gueule. Puis tu filmes en le faisant. Tu demandes à ton robot de le faire. Tu peux effacer l'évidence après, tu sais. Fun, hein? C'est le Solo Shot et c'est sur soloshot.com. C'est une belle option, je trouve, pour les. Tu disais pour les gens qui n'ont pas d'amis, ben à la place de faire des pistes de cheese dans le miroir, ben tu peux faire des photos comme normales. Ben, il y a une face de canard quand même parce que c'est inévitable en bas de 20 ans. Je pense. Pix de robot. Pix de robot. Dans le miroir. Ah, c'est cute. Non. Ensuite, la sweater blanket chair. Tu sais, quand t'es dans ton divan, t'as besoin d'une couverture, mais t'as pas tout le temps la couverture avec toi ou est au lavage, n'importe quoi. Ici, pas de stress avec ça parce que la couverture est intégrée dans la chaise. C'est la designer Aga Brush Tech, ou peu importe, beaucoup trop de consonnes et de Z là-dedans. Donc, c'est la Autumn Winter Chair, une chaise qui est spécifiquement faite pour l'automne et l'hiver, qu'elle dit. Donc, c'est une couverture intégrée, rien de plus à dire que ça. Ça résume pas mal de choses. C'est bien. Ensuite, oui, pour les gens qui sont pas assez hipsters, hein, et qui ont leur petit fixie, là, tu sais, le vélo qu'il faut que tu pédales puis que tu freines en arrêtant de pédaler, là, tu sais, genre, ben, tu peux aussi t'installer un volant, un guidon, avec des cornes d'orignal, deer, c'est quoi, c'est un chevreuil, voilà. Oh. Mais évidemment, ça n'a pas de frein après ça, fait que c'est vraiment fait pour les vélos qui ont des freins intégrés aux pédales, les fixies, comme on appelle. Voilà. Ça. C'est par Taylor Simpson. Mais c'est un peu dangereux si tu fais un accident, ben, c'est très pointu, je trouve. C'est quand même pointu, hein. Ouais. Parce que j'ai un ami qui s'est déjà comme crevé la rate avec son guidon parce qu'il est tombé sur. Ouais, puis ils se sont rendu compte qu'il y en avait deux autres finalement, fait qu'il n'y avait pas de problème. Il y avait trois rats. Ouais. Il a raté son coup. Et ben. Donc je trouve ça super dangereux. Ouais. Ensuite, pour jouer aux échecs avec des morceaux de Space Invaders à la 8-bit super geek, là, c'est des morceaux d'acrylique. Beau. C'est très beau. Acrylique coupé au laser, découpé au laser avec des bases qu'on peut snapper à la planche. Donc vraiment, je sais pas si vous allez retenir quel morceau et quelle pièce d'échec, mais j'imagine qu'un jour vous allez comprendre. C'est rouge versus vert, c'est très très 8-bit et très très flash, très néon. C'est joli. C'est sur Kickstarter pour 40 $ pour jeter les morceaux, 65 $ avec la planche qui achèterait juste les morceaux. Un collectionneur. Bande de chips. Ensuite, pour les enfants, tiens, qui veulent aller sur la toilette, qui veulent apprendre à aller aux toilettes, mais qui ont besoin de divertissement comme un iPad. Comment? C'est un iPotty. iPotty. C'est une petite toilette avec socle à iPad intégré. C'est génial. Et c'est un vrai produit, détrompez-vous. Là, le shipping commence au mois de mars. Et le stand peut tourner 360 degrés et être vu à horizontal et verticalement. On peut bouger la tablette. Et ça a un bol qu'on peut enlever, on peut tout nettoyer à part. Moi, je trouve ça épouvantable. Mais oui, vraiment. De toute façon, si j'avais un iPad, mon bébé toucherait pas à mon iPad. Ça serait plein de morphes et de vomi. Mais il y a un truc anti-splash. Non. C'est parce que c'est d'habituer tes enfants, genre en bas âge, avec des trucs électroniques. Je trouve ça dégueulasse. Ouais. 40 $. Et puis, comme je disais, il y a un truc pour empêcher les dégâts. Mais bon. Parlant de dégâts et de toilettes. C'est un humidificateur en forme de crotte. C'est dégueulasse. Non, bonne idée. Ça, hein? C'est drôle. Le Coop Shaped Humidifier est disponible en plusieurs couleurs, dont rose. Ça ressemble à quoi, ça? Une crème molle? Ouais. Ah oui! Vraiment. On dirait plus une crème molle. C'est vrai, ça. C'est présentement complètement vendu, sold out au Japon. Deux couleurs, complètement vendu. Je sais pas, ça doit être bien populaire. Wow! Ils ont de drôles de fétiches là-bas. Un parapluie avec un genre de visor, on dirait une paire de lunettes qui est en plastique à l'intérieur du parapluie. Donc, quand tu baisses le parapluie sur ta tête, tu peux voir quand même dehors. Et il y a même un petit truc de scuba, là, tu sais, comment on appelle ça, comme un sous-marin qui sort en haut. Les Goggles Umbrella, que ça s'appelle. Puis c'est par Jenna Su. 33 pouces lorsque ouvert. Et puis, le prix n'est pas disponible en ce moment. Que voulez-vous? Les prochaines, c'est vraiment cool. C'est des lampes Pac-Man qui changent de couleur. Pac-Man Ghost Lamps. Oh, c'est cool. Très, très rétro. Hein? On aime ça. 16 différentes couleurs. 4 types d'effets de lumière. T'as Smooth, Flash, Strobe et Fade. Et il y a une télécommande pour contrôler les couleurs. Et c'est blanc lorsqu'il est éteint, mais pourquoi éteindre ça? Je comprends pas trop. Prix sur ThinGeek, 55$. Exorbitant des fois, ThinGeek. Hein? Surtout avec le shipping. On s'en sort pas en bas de 100$ avec ça. Tiens, un kit pour... On va terminer rapidement, il en reste quelques-uns, on va se dépêcher. Kit d'avion. Tu sais, quand t'as un avion en papier, c'est un kit électrique que t'attaches à ton avion en papier pour la faire aller plus loin. Ça, c'est pour les fraîchis. Ah, hein? T'aimerais ça pouvoir te vanter d'avoir un record, mais en même temps, c'est triché. C'est comme Lance Armstrong, ça fait... Exactement. 17$. Si vous voulez différencier vos petits chargeurs de iPhone, c'est des autocollants disponibles en plusieurs couleurs, plusieurs personnages. On colle ça sur son chargeur, le petit bloc d'alimentation et sur le fil. C'est cute! Pour associer les deux. Il y en a de disponibles pour l'iPad. Et les iPads, c'est des personnages différents pour justement pas mêler votre chargeur d'iPhone avec votre chargeur d'iPad. Donc, l'ensemble est $12.95 pour chaque emballage pour iPhone et pour iPad. Ensuite, c'est une bague, un peu comme un couteau suisse, comme on disait tantôt précédemment, mais c'est une bague. Donc, une bague en titane avec un peigne pour la moustache, un petit couteau qui ne coupera pas grand-chose, un ouvre-bouteille qu'il va falloir sacrer le chien après. Je sais pas. Ça pèse combien, ça? Je sais pas. Tu tiens, ouais, c'est ça, t'as la main lourde. Mets ça sur ta main plus forte, celle que t'as entraînée pour le combat. Voilà, je sais pas. J'ai pas le temps d'aller voir le prix. Bon, des habits pour le vélo, si vous voulez. Tu sais, à la place d'avoir du spandex normal, déguisez-vous en Spider-Man. C'est vraiment des shorts bleus et un petit chandail de Spider-Man. T'as aussi Pee-wee Herman, t'as Tron. Ah, ça, c'est cool, Tron. T'as le hipster aussi. Le hipster, c'est le dernier en bas, je pense. Un chandail serré puis des pantalons serrés. Un v-neck. V-neck, ça. Plus la douchebag que hipster, mais bon. Ça, c'était mon invitation de Pee Wee Herman, en passant. Mais bon, c'est peut-être rattrapé. 100$ ou 150$, 160$ même pour celui de Podium Pro. Je sais pas, c'est trop cher. Non. Ah, Forever Alone. Vous connaissez la face de Forever Alone? Oui. Comment est-ce qu'on pourrait le décrire? C'est la grosse face avec un gros menton puis de la bave, là. Yep. C'est à peu près ça, finalement. Si vous l'avez vu, vous savez de quoi je parle. Si vous savez pas, allez chercher Forever Alone. Mais en forme de statue, en fait. Donc, la mode d'Internet, maintenant, statue. Oui, il y a comme un gars pathétique en train de fêter son anniversaire avec la statue. Mais il s'est acheté un petit gâteau. Le gâteau est plus petit que la face de Forever Alone. Entre 30$, c'est chez ThinGeek, encore une fois. Ça, je veux savoir le prix. Come on, 30$, pas si pire. Ensuite, un café japonais qui moule des faces de femmes en chocolat. Donc, vous pouvez acheter une grosse crotte de la face de votre femme, mais en chocolat. C'est le café qui se nomme Shibuya. C'est à Shibuya, OK? C'est le Fab Café. Donc, c'est un événement où on peut faire ça. Là. C'est pas disponible dans le marché du tout, mais comme c'était... Là, tu peux dire littéralement, je vais te manger à la face. Ensuite, des bas de grade militaire, OK? Mais qui sont à l'épreuve de l'eau. Donc vraiment, si vous portez des souliers qui sont peut-être qui ont tendance à prendre l'eau des fois, vous portez ces bas-là, c'est impossible de mouiller vos pieds. Ah, c'est tellement utile. Ça, c'est cool. Vraiment. On peut se mettre le pied dans une piscine et ça ne sera jamais mouillé. À quoi pas avoir des souliers? Il faut faire des souliers de ce matériau-là. Ça veut dire que le bas ne respire pas, s'il ne laisse pas passer l'eau. Fait que ça veut dire que ton pied, si maintenant tu as chaud, ça reste humide. Floc. Ouais. Et c'est vraiment cher. Oui, hey, c'est 55$ la paire, hein. Je pense que t'es peut-être mieux de mettre tes pieds dans des sacs d'épicerie comme tout le monde. Effectivement. Sincère. Comme tout le monde. Comme tout le monde fait en ce moment. C'est très drôle, ils disent qu'à ce prix-là, ça marche probablement mieux que de s'emballer les pieds dans un Ziploc. Ah, bon, tu vois. Ça m'a un petit peu volé mon gag, là. Moi, le mien était original, mais apparemment, toutes les blagues que je fais sont déjà de toute façon faites par François Pérusse. Fait que bon. Et pour terminer, on se rend directement à la sauce au chocolat, érable et bacon. L'ultime trifecta du goût. du bon goût. Wesh. C'est la compagnie Mountain Spreads de Divide au Colorado, justement. Aucune façon de diviser le public ici, ça va convaincre tout le monde. C'est très, très canadien comme goût, on dirait, mais ça a l'air dégueulasse une fois que tu vois le gars le verser avec une cuillère sur du bacon. C'était comme une genre, on dirait du goudron. C'est vraiment dégueulasse. Il mange juste du bacon en... Oh! Ouais, hein, du bacon. C'est peut-être pour ça que ça coûte le bacon, finalement. Ouais. Chocolat bacon. Donc, chaque pot contient 5 onces. C'est pas tant que ça et c'est 10$ par pot. Donc, érable, bacon, chocolat. Je sais pas, mais ça a l'air trop goudronné pour ça moi. Ça m'écœure, comme. Pas sûr. Pas convaincu. Mais bon, faudrait qu'on l'essaye. Faudrait qu'on essaie des affaires de même. Non. À l'émission. Sortons un budget pour acheter des choses. Parce que là, on parle de gadgets, on en parle, on n'achète aucun. Je pense que j'ai acheté un gadget depuis le début de cette chronique-là. Mais je te dirais qu'avec le non-succès de ta gomme au bacon, je suis pas certaine que j'ai le goût d'essayer ça. Là. C'était vraiment un échec. Dans mon bureau, c'est en... Non, elle est très bonne, Steph, elle est très bonne. C'est hein, la gomme. Délicieux, Annabelle, tu devrais vraiment goûter. Non, mais j'haïs le bacon. Pendant la pause, mais ça tombe bien parce que ça goûte pas le bacon. Okay. C'est réglé. Après la pause, on revient et on goûte encore une fois la gomme au bacon. Pour l'instant, on prend une pause, on vient avec la chronique Zone Campus dans quelques minutes. Ouais. Restez là. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou 89 ans. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Jusqu'à 9h, vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées. Assemblage requis. C'est à cause d'Anne Dorval que j'ai le cœur à ses raisons. C'est à cause d'Anne Dorval que j'ai la télé HD dans mon salon. C'est à cause d'Anne Dorval que j'ai le goût de venir un renard. C'est à cause d'Anne Dorval que vie de chambre en ville, c'est une nouvelle. Anne-Dorval, il la trouve belle. Il y a une TVHD dans son salon à cause d'Anne-Dorval. C'est pas une toune de haine. Mais je sais pas, j'écoutais pas vraiment les paroles. J'entendais juste comme Anne-Dorval, puis l'espèce de beat rock, genre, en guillemets. Puis j'imaginais comme mon oncle Serge et maman Dion. Ouais. Ouais. Non, mais c'est un peu, c'était positif, comme les Denis Drolet avec Yves Corbeil. Oui. Ah, j'ai entendu. Oui, faudrait la mettre. T'as-tu ça, les Denis Drolet? Oui, j'ai ça quelque part. Malade. Ouais. Je peux trouver ça pendant la ouais. Pendant la puis on va la chanter ensuite. Ben oui, tu sais, tu m'y écouteras pas, puis tu vas pouvoir... Ouais. Ça pourrait être difficile. Avant de continuer avec la chronique sur le campus, Jean-Philippe, t'es allé chercher des gommes au bacon. Je voulais que tu les essaies. T'es un Cobert pour l'émission. Oui, c'est le bon fait. À Fred, de même. Oh, wesh. Prends-en deux. Ils ont pas l'air bonnes. J'en prends une pour commencer. Ben, t'as dit que tu t'en prenais une aussi. Fillette. Avec un goût de beurre de peanut. On met ça? L'odeur? Arc! Non, garde la bague. Elle a même pas mangé. J'ai juste croqué dedans. J'ai l'impression de manger le simili bacon. Oui, exactement ça. Mais garde dans ta bouche juste pour voir qu'est-ce qui devient le goût avec le temps. Ça devient vraiment mauvais. Ah, c'est dingue. C'est de pis en pis, hein? Ouais. Oui, vraiment. Il y a un petit arrière-goût de je reviendrai pas, hein? Oui, c'est ça. Il y a un petit goût de revenez-y pas. Ça... Tu le restes de ma gomme, Steph? J'ai juste croqué dedans. Ben oui, tout est kirapou, plein de bave. Non? T'aurais-tu de la vinaigrette César? ça passerait mieux. Ça goûte moins bon que les miettes de bacon qui goûtent même pas si bon que ça, qu'on met dans les. Là, ça donne-tu une haleine de bacon? Sûrement. Oh, je donnerai une autre mousse de micro va sentir le simili bacon. Pauvre prochain animateur. Donc, c'est les menthes au bacon qu'on trouve un petit peu partout, là, dont chez c'est HMV. Pas des menthes, des gommes. Ouais, des gommes, excuse-moi. La marque, c'est genre accoutrement quelque chose. Il y a ça un petit donne pas cochon. Vraiment une bonne haleine. À ne pas acheter. Non, c'est tout. C'est une bonne haleine de bouche. Voilà. C'est ça. On va y aller avec, je pense, quelque chose un petit peu plus, un petit peu meilleur pour la santé, c'est-à-dire lire le journal. Et le meilleur journal à lire, c'est évidemment... Le Zone Campus. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, un journal qui frappe. Zone Campus, c'est le journal des étudiants de l'UQTR, bien sûr. Et là, c'est le volume 8, numéro 11, du 4 au 17 février. 24 pages, incroyable! Wouhou! Wow! À l'habitude, on fait des 20 pages, mais là, tellement de contenu, tellement de pubs. On a fait un 24 pages pour étaler ça et avoir l'air moins d'un journal qui fait rien que des pubs. Hein. Donc, en une, on retrouve le retour sur le carnaval. Oui, 3, 2, 1, action! L'UQTR en compétition. Donc, on a un beau petit dossier du carnaval dans le journal cette semaine. Donc, on a entre autres un petit bilan de quelques activités qui se sont déroulées pendant les 4 jours de festivités. Nous avons entre autres Cinémascope, moi tes connaissances, Gèle-toi le maillot et le défi C'est fou la musique. Ben oui, le meilleur bout, c'est le jeudi après-midi. On a couvert ça en direct au palmarès C'est fou grâce à toi, madame rédactrice en chef, Journal Zone Campus, Stéphanie Paradis, dont j'ai pas mentionné le nom au début de la chronique. Ouais, c'était vraiment le fun. Je courais un peu partout, je gambadais, je sautillais. C'était bien le fun. Aussi, pour continuer dans le dossier du carnaval, on a un beau petit montage photo. C'est beau, hein? Ah, c'est vraiment beau. Là, on voit plein d'activités. On voit le rallye bottine, le bain de neige. Le défi de camp. Oui, le camp aussi, sculpture sur neige, le soccer et notre ami Zwicky. Hein, Zwicky, Pedia? Oui, il est là. Oui. Vraiment magnifique photo avec son visage dont on a envie de prendre les joues, de les pincer. Ensuite, on a l'UQTR parmi les chefs de file en recherche en gynécologie-oncologie. Donc, l'Université du Québec à Trois-Rivières possède un pôle en gynécologie-oncologie réputé à travers le monde. Donc, les travaux de cette chaire de recherche pourraient permettre de nouvelles approches concernant la thérapie utilisée pour guérir le cancer. Donc, on parle principalement des cancers féminins tels que le cancer de l'ovaire, le cancer du sein et le cancer de l'utérus. Mais on précise aussi, attention, le cancer du sein, les hommes peuvent aussi être atteints. Tout à fait. Donc, oui, cancer généralement féminin. Ben, en fait, généralement, utérus, ça m'étonnerait. si t'attrapes ça, ben écoute, bravo champion. Hermaphrodite, ça arrive. Ah, mon Dieu. J'imagine. Dans cette page-là, la photo qui m'attire, c'est celle de notre chroniqueuse Anne-Julie Durocher. Donc, oui. Si vous voulez voir de quoi elle a l'air, Anne-Julie Durocher. Elle est si belle. Elle est si jolie avec son crâne. Mais pour vrai, félicitations Anne-Julie d'avoir participé au défi Le Camp. Je trouve ça vraiment d'une grande générosité. Et pour vrai, t'es vraiment belle, les cheveux comme ça. Oui. Ça fait pas bien à tout le monde, mais pour vrai, chanceux, ça y fait vraiment bien. Elle a tellement un beau visage. Pas besoin de cheveux pour cacher ça. Exactement. Non, mais on était là au défi Le Camp, puis en effet, ça fait pas bien à tout le monde. Toujours en actualité dans le Zone Campus de cette... Non, mais j'ai rien, j'ai pas 10 personnes, moi. Il y a une personne à qui ça faisait peut-être moins, un petit peu moins bien. T'sais. Bon. Hein? Ensuite, on a la chronique de M. Simon Fidibé en pleine face. Donc, le merveilleux titre Génération Blanche, oh oui, dont hein? Je crois que vous avez parlé lundi dernier. On a parlé lundi et moi, j'ai appelé ça Génération Nationale. Je trouvais ça encore plus dindant, mais il sortit un petit peu, j'aime ça. Il sortit. C'est bon, c'est parfait. Ensuite, on continue avec la chronique Game Over de Michael Da Silva. Donc, de nouvelles rumeurs sur les consoles de la prochaine génération. Donc, on parle de ce qui s'en vient du côté de chez Sony et de Microsoft. La Xbox 720 et la PlayStation, j'imagine, Omni. En fait, 720, non, ça sera probablement pas ça. Non, je sais bien, mais c'est ça. Ils veulent vraiment sortir leur nom à la dernière minute, donc ça va être annoncé cet été au E3. Je pense que toutes les rumeurs vont avoir finalement tort. Oui, mais c'est correct de partir des rumeurs. Ils veulent faire jaser deux, sinon on s'en occuperait pas. Bon point. Ensuite, on a l'École internationale de français qui est actuellement à la recherche de candidats et de candidates pour combler plusieurs postes d'animateurs au sein de leur organisation. Le IF, c'est quoi ça? Donc, chaque année, le IF accueille à l'UQTR près de 1000 étudiants de tous âges qui désirent apprendre ou perfectionner leurs connaissances en français. Donc, vous pouvez avoir un peu plus d'informations sur les postes qui sont offerts et sur les qualifications requises. Hey, en passant, juste pour ceux qui l'ont pas reconnu dans une autre partie plus tard dans le journal, Stéphanie est rangée du bas, deuxième personne. Je me tiens le menton sur la oui, photo. En effet. Donc, voilà. Donc vous avez peut-être deviné, je travaille à l'EIF l'été. Et voilà, c'est dit. Et j'ai remarqué aussi que j'étais dans le journal de l'an dernier, mais... Alors que nous, on te connaissait pas encore. Ouais, c'est ça, mais j'étais dans l'équipe d'animation de l'année précédente. Ouais. Ensuite, on a le travail d'une doctorante de l'UQTR, Sarah Geneviève Trépanier, sur le harcèlement psychologique au travail, donc plus particulièrement dans le milieu infirmier. Donc, on nous parle un peu c'est quoi le harcèlement psychologique et ensuite de l'avenir professionnel de Mme Trépanier et de l'importance de son travail dans le milieu de la recherche et le milieu des infirmiers aussi. Ouais. Moi, tu vois, Sarah Geneviève, je veux pas faire du harcèlement psychologique, là, mais Sarah Geneviève, je vais l'appeler Sarge. OK, c'est hey, comme une contraction Sarge. Des deux. Sarah Geneviève, Sarge. Ben, il y a le trait d'union au milieu, c'est juste que les gens le voient pas à l'oral. Sarge. Ouais, c'est... Ah, wow! OK. Je suis sûr que c'est la première fois qu'on lui dit ça. Ben, sûrement. Là, il y a juste toi qui a des... Pour trouver des beaux prénoms de même, des beaux sons. Ouais, c'est ça. OK. On enchaîne avec... oui, OK. On nous parle de l'aide financière qu'apporte l'UQTR à l'UQAC, donc l'Université du Québec à Chicoutimi, dans son projet de partenariat entre les deux universités, ainsi que l'Université de Montréal. Donc, le projet, c'est Infrastructure intégrée des microdonnées historiques de la population du Québec, ou appelé le projet Balzac. Ça, ce projet-là, ça vise à réunir les données qui ont été recueillies sur la population québécoise depuis le peuplement par les Européens. Donc, ils veulent reconstruire des lignées généalogiques. Donc, super intéressant. Mm-hmm. Ensuite, on a du nouveau à la chasse-galerie. Ah, enfin! Wow, ça, c'est cool. Oui, donc depuis lundi cette semaine, c'est l'entreprise Coureur des champs qui s'est associée avec la chasse-galerie pour offrir un nouveau menu midi à la clientèle. Donc là, on parle de petits plats préparés. Donc, ce sont des aliments locaux, biologiques et santé. Et c'est bon! Ben c'est ça, on a essayé parce qu'il y avait une petite démonstration à ce moment-là. Oui, on a essayé la lasagne, on a essayé une petite salade de lentilles. De, ouais, pâte et lentilles, je quelque crois. Chose comme ça. Toi, Annabelle, je pense que tu avais essayé l'omelette. Ah, oh, c'était bon. Je capotais. Tellement bon. C'était vraiment bon. Avec des patates pilées, des petites carottes, là, mais c'était délicieux. Oui, pour vrai, d'habitude, c'est comme une omelette. Ben c'est une omelette, mais là, c'était comme... plein de saveurs. Pour vrai, j'ai trouvé ça vraiment excellent. Une omelette, d'habitude, c'est une omelette. Hein, c'est pas mal ça, hein, ça décrit bien une omelette. Donc, hein? c'est plus qu'il neige, plus qu'il y a de la neige. C'est disponible à la chasse galerie depuis lundi, disponible dans mon ventre à partir de demain. J'irai pas le chercher jusque-là, par exemple. Moi, j'ai encore... à toi quelques heures plus tard. Comment? Qu'est-ce que ça dit? Tout loin du micro de même? J'ai dit qu'il allait venir à toi quelques heures plus tard. Ah, d'accord. Oui, oui, ben non. Mais non, je veux pas de visite dans la salle de bain. Moi. Je fais ça tout seul. Hey, j'ai encore... Mais... Elle s'appelait Sarge. Oh. Dans la tête. Société, maintenant? Société. Donc, on a la chronique de Stéphanie Gladue, Anthropologie moderne, qui nous parle cette fois-ci du culte du corps humain. Hein, qui n'a jamais rêvé d'avoir une shape d'enfer, un corps de Dieu, bref, L-Body. L-Body. L-Body. Ouais, c'est vraiment écrit L-Body. Ouais, c'est beau. Ah, c'est cool. Ensuite, on a Jean-François Veilleux qui nous parle de l'éducation encore et toujours. Ben oui. Donc, en regard du sommet de l'éducation qui aura lieu en février, voici quelques réflexions à ajouter à ce débat pertinent sur l'importance, voire l'urgence, d'une accessibilité accrue aux études supérieures. Mm-hmm. Il y a évidemment le fantasque avec Hubert Sanson qui parle un petit peu de Idol No More. Et puis les jeux sont toujours là. On passe en art et spectacle. Et on commence avec un article de Julien Lesage, une collaboration spéciale, toi. Ben oui, donc sur Danser nu sur les banquises, soirée poésie qui s'est déroulée au Zénob jeudi dernier. Donc on a la description des différentes prestations qui se sont déroulées durant la soirée. Et honnêtement, à lire ça, je me demande pourquoi j'étais pas là. Mm. Ça avait l'air vraiment chouette. J'espère que je vais être de la partie la prochaine fois. Mais en lisant aussi, j'ai compris que c'était mieux que je sois pas là. Ça a l'air, il y avait tellement de monde. Moi, je suis claustrophobe. Oh. Un mélange de claustrophobie et d'agoraphobie. Donc, être coincé dans plein de gens, c'est comme horrible. L'ultime cauchemar. Donc, si tu rajoutes en plus des ballons en caoutchouc, là, moi, j'aime pas ça. J'ai une phobie des petites ballons. Donc, un party de fête, là, moi, c'est pas... Maintenant, on connaît bien Stéphanie. Oui. On apprend à connaître ça. Quoi? Ben là, le mien. Tu vas avoir des ballons? Ben, je vais avoir des ballons en tap, des guirlandes, puis il va y avoir du monde, puis de l'alcool. Ben, je serai pas là s'il y a des ballons. On remplit le studio de ballons. Oui, mercredi hein? prochain. Juste pour le fun. Oui. Come on! Hey, vous êtes vraiment pas fin. J'ai vraiment peur des ballons. C'est affectueux au bout. Là. C'est vraiment parce qu'on t'aime. Là. C'est comme Sarge. Là. C'est parce qu'on, fait que si je pleure dans un coin, c'est parce que c'est plein d'amour que vous m'envoyez? Tellement. En tout cas, moi, j'ai goûté la gomme au bacon puis j'ai le goût pogné dans la bouche. Bon! Puis bon. Je vous en veux. Fait que je veux me venger. Tu veux-tu une gorgée de café ou de... je pense qu'on partage assez la tasse de café en studio. Là. Je peux te donner du smoothie. On y va avec la huître, victoire des oranges. Félicitations. Des oranges? Faut-tu dire des oranges? Je pense que oui. On dirait que des oranges, ça fait trop fruit. Tu trouves pas? De l'équipe orange. Comme ça, ça... Ah, j'aime voilà. ça. Tu vois, ils pensent bien. Donc, on a la victoire de l'équipe orange sur l'équipe des verts. Donc, on a un petit descriptif du match qui va, je vous l'assure, vous donner le goût d'y assister. Un match incroyable. J'étais présente et je le serai toujours désormais. Je ne veux plus manquer ça. Wow, ça, c'est un gage de qualité. Stéphanie ne peut plus s'empêcher d'y aller. Mais vraiment? C'est vrai? Vraiment? On s'attache? Oui. Parlant de s'attacher et... parce que le gars est fou allié. Non, c'est pas vrai. Parlant de l'huître, parce que Maxime Tanguay est dans la l'huître, c'était le lien que je voulais faire. Maxime Tanguay, sa critique musicale. Oui, tu peux continuer. Tu sais que je déteste prononcer c'est les vrai? Noms des groupes et des albums. Donc, il critique les albums de Swans. Celui-là s'appelle The Seer et de Asbin and the Witch. L'album s'appelle Wash the Sins, Not Only the Face. Hein? Beau, hein? Ouais. À côté de ça, t'as le calendrier des spectacles à venir aussi. Oui, ça, c'est cool. C'est nouveau de cette session. Session d'hiver, oui, vraiment. Oui, c'est ça. Ensuite, on a encore un petit retour sur le carnaval avec le passage de François Bellefeuille à l'UQTR dans le cadre du carnaval, tout de suite après une bière. Donc, malgré l'agitation de l'auditoire, il était tout de même très réceptif aux histoires de l'humoriste. On nous parle aussi un peu des inspirations de M. Bellefeuille pour son personnage. Ensuite, on a, dans le cadre des Nuits polaires, donc Alexandra nous parle du manoir Boucher de Niverville qui a présenté un spectacle de contes. Donc, il était une fois le diable. Donc, on parlait beaucoup du diable, qu'on sait que c'est un personnage assez présent dans les contes et légendes québécoises. Et on nous parle aussi des expositions en cours au manoir. Mm-hmm. Mm-hmm. Ensuite, on a l'exposition « Jouer dans le trafic ». Donc, c'est l'exposition qui est actuellement au centre Raymond Lagnier. Donc, c'est cool. C'est un concept qui est présenté à trois endroits en même temps. Mais je pense qu'Alexandra en a déjà parlé. Oui, c'est ça. Mais vous pouvez toujours aller le réécouter sur Internet ou aller chercher le journal dans un kiosque. Je pensais dire le journal en premier, là, mais bon. Mais non, regarde, je suis fine. T'es fine. Il y a plus de détails à la radio aussi. Là, je te fais un regard qui tue. Vois-tu les couteaux dans mes yeux? C'était parfait en plus avec la musique. Je sais pas si vous avez remarqué le timing. Moi, pour vrai, la musique d'en arrière me déconcentre vraiment beaucoup. Ah, mais elle est bonne! Ah, je sais pas. Ça aide ceux qui trouvent pas ça intéressant et peuvent écouter la musique à la place. Pour vrai! T'enlèveras tes écouteurs, OK? Ben oui. On a-tu fini en spectacle, non? Non, il reste la pièce de théâtre Christine, la reine garçon. Mm-hmm. Donc, c'était de la qualité à l'état pur. On nous parle donc tout particulièrement de la mise en scène et du jeu incroyable des acteurs. Mm-hmm. Critique littéraire, en fait. Est-ce qu'on dit chronique plus littéraire? Chronique, critique. Ouais. Oui. Vraiment critique. Donc, cette semaine, c'est deux semaines. Marie-Hélène Gauthier nous parle de French Kiss 1986 de Michel Falardeau. La couverture est vraiment belle. Oui, c'est vraiment beau. Juste pour les dessins, ça donne vraiment le goût d'aller chercher cette BD-là. Oui, parce que c'est une BD. Donc, je trouve ça le fun qu'on aborde aussi ce sujet-là. Donc, depuis un peu plus de 10 ans, le milieu BDSque québécois connaît une diffusion croissante et une popularité toujours grandissante. Donc, c'est bien de pouvoir un peu plus approfondir ce milieu-là. Mm-hmm. Hey, on passe en sport! Là, on passe en sport. Oui. On commence en soccer masculin et féminin. Oui, donc on a particulièrement des défaites. On a seulement une victoire et c'est les hommes qui sont sortis victorieux de leur match contre Concordia. Mm-hmm. Maxime Bilodeau, lorsque la pilule de l'exercice passe mal. Ben oui, hein, le sport, c'est connu, c'est la santé. Mais est-ce que c'est nécessairement toujours la santé? Donc, M. Bilodeau nous parle de la bigorexie. Donc, la bigorexie se caractérise par un besoin irrépressible et compulsif de s'entraîner parfois plusieurs heures et fois par jour. Donc, pour découvrir un peu plus ce petit problème-là, on s'entend... On peut appeler ça un problème, je pense. Ouais. Donc, c'est à lire. Voilà. Ensuite, profil d'athlète de Raphaël Bélanger-Vaillancourt. Ben oui. Mm-hmm. Et on a aussi un titre provincial pour un patriote. Donc, le réseau du sport étudiant du Québec a dévoilé ses nominations au titre d'athlète de la semaine. Et à sa première saison avec les Patriotes, Florian Gallet remporte déjà cette prestigieuse récompense provinciale. Bravo! Ouais! On a Gallet! Oui, water polo! Ça marchait pas vraiment, ça, là. Je la trouve bonne, moi. Elle s'appelait Sarge. Donc, on a du water polo! Eh bien, oui, saviez-vous ça? Il y a du water polo à l'UQTR. Ouais. Et ça fait déjà 4 ans, en fait, qu'il y a du water polo. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller rencontrer les deux organisatrices. Je cherche leur nom, Sabrina et Marie-Renée Picard. Donc, vous pouvez avoir 2 semaines d'essai gratuit pour tous les curieux, que vous soyez expérimenté ou non. L'important, c'est de savoir nager. C'est un minimum. C'est un prérequis. Oh, j'ai kické mon micro. Kick le micro. Polo YOLO, hein? Va jouer, va faire du polo parce que YOLO, ils ont les Live One, les jeunes disent tout ça, non? YOLO, polo. Mon Dieu! J'abandonne. Les cornimets, là, yeah, là. Non. Elle était agressante, celle-là. Bon. Rabat-joie. OK. On a maintenant Philippe Doucet avec ceci, c'est une chronique 2.0. Ça veut dire quoi, ça? J'ai hâte de savoir. Ben, c'est un test qu'il a fait, en fait. C'est comme quasiment du speed dating avec ses opinions. On a des petits quickies. Faut faire une clochette entre chaque quand t'es élite. Ouais, c'est ça. Oui, vraiment. Il y a comme, il aborde plusieurs sujets. Donc, le Super Bowl, avec sa prédiction, soit dit en passant, il a défini les gagnants en date du 29 janvier. Bravo. Le pointage, j'ai pas regardé. Je sais pas si c'est bon. Mais non, il a pas triché. Là, ça a pas été changé après le Super Bowl. Ensuite, on parle du fanatisme extrême, du rôle des entraîneurs et de l'homophobie dans le sport. Donc, ce sont des gens qui lui ont suggéré des sujets. Il a donné son avis un peu comme ça, là, random, c'est bon, quickie. J'aime ça. Ensuite, on tombe en hockey. Donc, aïe, on vient de tomber dedans. On a de l'espoir pour les Rams et une leçon pour... Mes blagues sont poches, hein? Mes blagues sont poches, c'est ouais, ça? Ouais, mais c'est ma chronique, OK? Ouais. Je veux faire mes propres blagues, même ouais. Si elles sont poches. De l'espoir pour les Rams et une leçon pour les Varsity Blues. Donc, ce sont les matchs à l'étranger pour les Pats hockey. Et ensuite, finalement, la semaine parfaite à domicile des Pats hockey. Donc, les Patriots ont remporté leurs 3 matchs de cette semaine-là et reprennent le premier rang. Donc, il s'agissait en plus d'une des semaines les plus importantes du calendrier régulier des Patriots hockey, avec 3 matchs contre des formations qui aspirent aux séries éliminatoires. Donc, ça, c'est les équipes. On parle des Redmen, des Ravens et des GGs. Et c'est tout. C'est déjà tout. Ben oui. Caroline, moi, j'écouterais parler de sport là, pendant... Pendant des heures et des heures. Ouais, c'est pour ça que je reste vraiment longtemps sur les articles. Je sais que tu m'écoutes avec passion et non, intérêt. Mais les sports, ça me donne l'occasion de placer l'info campus. C'est une blague, non. J'aime beaucoup les sports. À chacun son sujet, j'ai bien le droit de pas aimer les sports. Mais oui, mon Dieu, on n'a même pas chialé. Persécution. Et lui, il est choqué de seul dans son coin. non, mais excellent, un journal très lourd. 24 pages, ça rajoute un poids. Là, ben oui, hein, fais un peu d'exercice, là, fais-toi des biceps. Fais enlevant du sport. Le journal. Tu es malade, c'est pas. Tu es malade. Donc, volume 8, numéro 11, édition du 4 au 17 février 2013, disponible partout sur le campus du QTR dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Et on salue Sarah Geneviève, même si on a ri un petit peu avec toi. C'est vraiment parce qu'on aime ton nom. Oui, ben oui. Ah, fine en plus. T'sais. Parce que si on n'aime pas quelqu'un, ben on n'en parle pas parce qu'on n'a pas envie d'en parler, ça. Tout simplement. Exactement, tu résumes tellement bien ma pensée. Ben oui! Ben oui! On agace ceux qu'on aime. Ben oui, vraiment! C'est pas vrai. Si David Ferron, on l'aimait pas, on voudrait pas qu'il soit là. Est-ce qu'il est là en ce moment? Il pourrait ouvrir la porte s'il était là, tu sais. Ben, ça serait le fun. Hey, il est là! Oh! Oh! David! David! Salut, David! Salut, David! Okay. Il nous a cru quand il a dit d'ouvrir la porte. On aurait dû la barrer. Shit, on s'est fait avoir! Donc, David Ferron s'en vient dans quelques minutes. Oh! Il nous fait des fingers! Come on! Il nous fait des doigts! Pas les bons doigts, pas ceux qu'on aime. Moi, je vais lever mon pouce. Oh, ah, oui. Voilà. Plein d'espoir. Sign the peace. OK. Mixmania, non? Mix. J'essaie de faire tous les logos de doigts. Spock. Volkswagen. Oh. Je suis pas capable. Comme ça, Spock. Okay. Oui. C'est du mime à la radio, c'est tout le temps ben gagnant. Donc, Stéphanie Paradis, rédactrice en chef du journal Zone Campus, merci. Ben, de rien. Elle reste avec nous, évidemment, mais on la remercie pour la chronique Zone Campus. Oui, c'est sûr que je reste là. Voilà. La semaine prochaine, ce sera Les Petits Bonheurs à la place. Oui, à la place. La collègue s'appellera pas Les Petits Bonheurs à la place? Non, non. Juste Les Petits Bonheurs. Nous, on va terminer l'heure ici, je pense, les amis. C'est le moment de se quitter quelques minutes, le temps d'aller entendre l'Info Campus qui s'en vient. Composé de main de maîtresse par Stéphanie Paradis. T'aimes ça, main de maîtresse? Non, mais j'aime pas ça de toute façon quand tu précises que c'est moi qui fais l'Info Campus. Ah, ben c'est dans tes tâches, hein? Oh! Ah. C'est tellement ma tâche préférée en plus. En plus. Ouais. Bon. Faut que tu fasses comme si t'aimais ça, maintenant. Oui, oui, je veux dire, à chaque fois, quand je suis dans mon bureau, je suis comme, oh mon Dieu, hey, c'est, faut que j'écrive l'Info Campus, party! Party, poignée! Donc, on va rester avec Stéphanie Paradis, Annabelle Maton, Jean-Philippe Charbonneau. Ouais. David Ferron, après la pause, pour sa chronique La langue dans ton oreille. De quoi tu nous parles, David? Crie-nous ça de loin. Ah non, t'as un micro, je pense. Tu peux prendre un micro, dis-nous donc, qu'est-ce qui s'en vient? Allô! Ah non, j'ai pas compris le concept du micro. Ah oui, j'ai le micro dans les mains. Bonjour tout le monde, ça va bien? Allô! Salut. Oui, ça va bien. Ça va toujours très bien, très bien. Surtout quand t'arrives. Ah ben, ça va bien quand je vois aussi. C'est réciproque, je crois, en fait. Je... Fun. On est bien têteux. Ouais, hein? Ah, je crois que c'est sincère. Oui. On a peut-être une émission à se faire pardonner. Oh! C'est vrai. Hein? Juste une. 512, je pense. Un minimum. 513, voilà. Même toutes les saisons, c'est que ça n'existait pas. Oui, depuis 1968 qu'Assemblage requis est en nombre. Donc, ton sujet après la pause, avant qu'on manque de musique de fond. Oui, en fait, je vais vous parler d'un forum sur la chanson québécoise qui a eu lieu lundi et mardi. Je vais vous faire un tout petit topo là-dessus. Un tout petit topo. Là-dessus? Oui. Là-dessus. OK, je pensais qu'il y avait la salade. C'était une belle itération, ça. Ah, là-dessus. Je vais vous parler... Vinaigrette. L'avenir de la laitue québécoise. Si tu veux, j'ai du bacon pour accompagner ta vinaigrette. Oui, justement, t'allais chercher la vinaigrette César, là. J'ai faim. Ah, j'ai quelque chose pour toi à propos. Ah? Bonne idée. Oui. Bonne idée. Tu vois, mais j'avais peur qu'on manque de fond, tu sais. Mais non, je sais pas pourquoi j'avais... Je peux te faire un petit beat. Vas-y donc. Pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. Fais donc le vrai fond. Pom, pom, pom. C'est moi ça qui fais ça. Voici maintenant votre capsule Info Campus. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Vous êtes toujours à Assemblage requis en ce mercredi 6 février 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Ah, moi, c'est Jean-Philippe. Je sais pas pourquoi j'ai pris cette voix-là. Imité Kermit de la Grenouille. Ouais, ça doit être ça. Oh. Toujours aussi avec Stéphanie Paradis et Annabelle Maton. Salut! Ah, oh, merci de m'accompagner. Attends. Yar. Yar. Je pensais avoir un petit peu de charisme, si ça se dit. Ben plus là, qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Je sais pas, genre, salut les requins, mettons. Salut les requins, mettons. Mettons. Oh, Annabelle Maton. Ben bonjour tout le monde. Salut. Ça va? T'as connu dans quelques minutes, oui, ça va très bien. Oui, on oui. On laisse le temps encore de t'installer un peu. Ah ben que c'est gentil. On va écouter les Denis de Relais qu'on avait promis tantôt avec une chanson qui s'appelle Yves Corbeil. Pourquoi est-ce qu'on voulait faire jouer ça, donc? À cause de Anne Norval? Ah oui, Anne Norval et de Rouge Pompier. Ça commence à faire longtemps, mais quand même. Donc, les Denis de Relais avec Yves Corbeil à Assemblage requis. Puis après ça, ben, c'est La langue dans son oreille. Je voudrais être pareil, pareil comme Yves Corbeil. Sa chevelure bouclée, mes merveilles. Je le vois dans mon sommeil. Je me vois dans Yves Corbeil. Il a joué dans peau de banane, dans Fais-moi un dessin, dans Pub de Margaret Fleischmann, c'était tout un comédien, et qui est génial et Corbeil. Un humour saisissant, charmant et entraînant, sa voix grave, son sourire unique, son côté robotique, Corbeil électronique. Je le veux dans ma vie, je le veux. Fais-nous des petits frissons dans le cou, donne-nous des bisous. Yves Corbeil, mon binou. Oh, je voudrais être pareil, pareil comme Yves Corbeil. Je l'ai vu venir. Chanté. Je l'ai vu venir. En plus, je le savais, je me disais, j'espère qu'elle arrêtera pas, puis je savais qu'elle arrêtait. Comment ça se fait qu'on a une connexion Internet super bonne à l'université, puis il arrête quand même, je ne comprendrai jamais. En tout mais cas. Les filles la connaissaient, je comprends pas pourquoi ils chantent pas. J'ai pas ouvert le micro encore. Vas-y, on la repart. Corbeil, sa chevelure bouclée, mes merveilles, je le vois dans mon sommeil. Je me voilà y sommeille. Je me voilà y sommeille. On souhaite tout à il tombe. C'est pas moi, c'est Corbeil. Ah, ben, le 6 et 4 bandits. Oh boy, 50 000 $, monsieur. Qu'est-ce que tu penses à faire avec ça? Un voyage, un Winnebago, une butte. On souhaite tout à Corbeil. Oh. Hey, tu parles d'une affaire. Il reste comme le tiers du clip, c'est tout un écran noir tout le long. Ça donne quoi YouTube dans la vie? C'est le but de ça? C'est... De regarder des vidéos gratuites s'il y a de la pub énervante. Mais pas à la radio, je pense. Ça. Bon, en tout cas, ben, je ferme ça. Donc, David, c'est le moment de ta chronique La langue dans ton oreille, enfin! Oui! Enfin! Donc, amenons le petit minou avec un petit peu de, d'herbe à chat. Hein. Allez, chaton, viens-t'en. Non, il est au loin, il est supposé faire très loin. C'est le chat Bernard. Faut que la peine part en dessous. Qui ça? La chatte. Quoi? Hey, la bestialité, là. La langue dans ton oreille. La chatte. Donc, pendant la chanson thème, David s'est fait décrocher son micro encore une fois. Là, et avait de la difficulté à le revisser. Je pense que là, ça fonctionne bien. Tu t'es inséré par en dessous, comme t'as suggéré Jean-Philippe. Oui. Merci pour tes conseils pratiques. toujours là. C'est toujours prêt. Toujours prêt. C'est toujours prêt et frais. Ouais, c'est ça. Donc, David, aujourd'hui, quel est ton thème? Tu m'as pas envoyé ton thème à l'avance, donc j'ai aucune idée de quoi tu nous parles. Surprise? Ben, oui, surprise. En fait, je savais pas trop de quoi parler. J'étais en plein de trucs entre l'actualité au Mali, la question du débat des mariages gays en France. Mais je me suis dit, je vais être au Québec. Parlons du Québec et parlons de sa chanson. Oh. Donc, en fait, je vais vous parler de l'espèce de... C'est pas tout à fait le congrès, mais lundi et mardi. Il y a eu... Aïe, aïe, tu l'as vraiment mal vissé, hein? Tu l'as vraiment mal vissé. Ouais, je pense que oui. c'est pas grave. Non, je vais te demander de changer de micro parce qu'on va pas passer 5 minutes à revisser ça. OK, c'est bon. Jean-Philippe est capable de tenir ce micro-là pendant toute la chronique. Alors, ça va être beau croiser. Les micros croisés de même, c'est pas dangereux du tout. Qu'est-ce que je ferais? Avec un Mac en dessous, pas du tout dangereux. Non, hein? Donc, tu disais... De quoi qu'on parlait? Oui, je vais vous parler, en fait, du forum sur la chanson québécoise qui a eu lieu lundi et mardi à Montréal. Mm-hmm. Donc, c'est tout frais, tout récent, et ça a été organisé, en fait, par le Conseil des arts et des lettres du Québec, avec la collaboration, notamment, du ministère de la Culture et des Communications du Québec. Mm-hmm. Et c'était quoi le but, en fait? C'était pas ouvert à tout le monde, malheureusement, ça aurait été bien, mais... C'était que des personnes spécialisées dans le domaine de la chanson, que ce soit des diffuseurs, que ce soit des producteurs, des professeurs de chant, des chanteurs ou des auteurs-compositeurs, bref, tous ceux et celles qui sont concernés par la question de la chanson québécoise se sont rencontrés et pendant 2 jours, il y a eu 5 ateliers. Mais avant de vous présenter ces ateliers, de faire un petit topo très rapide, on va écouter L'île des filles de Beluga, succès souvenir. Bon, on y va tout de suite à la langue dans ton oreille. Attends, là, je... À travers mes vacances éternelles, au-dessus de la mer d'eau et de sel, je scrute à la loupe l'horizon. Les vagues sont des moutons, je suis un papillon. Je papillonne à l'aventure sans crainte de blessure. Je cherche une île secrète à la forêt tropicale verte, pleine de mangues roses, de melons, en grande dose de cantaloupe. Oup, oup, nanana, nanana, d'orange mûr, mur à mur, de la plage à la mer au ciel azur. Je cherche l'île des filles. Douce et gentille, l'île des filles, et gentil. Je vais à l'île des filles, douce et gentil. L'île des filles, douce et gentil. Révolte le vent, puis vivement virevolte le temps. Dans le ciel exponentiel, un carrousel me prend les ailes. C'est un ouragan, pas de gants blancs qui me lance. Dans tous les sens intenses et la puissance, j'ai peine à gérer la violence. Pourvu que mes ailes restent belles, je tourbillonne. Revole papillon, pirouette, cacahuète, je suis faite. Je n'irai pas à l'île des filles, douce et gentille. L'île des filles, douce et gentille. Loin de moi, l'île des filles, douce et gentille. L'île des filles, douce et gentille. Ses souvenirs de 2004, l'île des filles de Beluga. Ah, c'était PS Tendresse comme animation, ça? Ouais. Oui, j'ai presque une émotion. Oui, ouais. C'est fou, assemblage requis, l'émission qui tartine tous vos matinées. Oh. Oh mon Dieu, c'était kitsch, ça. Oh. Wow. Ben, pour revenir à ma chronique... La langue dans ton oreille? Oui. Oui. En fait, pourquoi je vous ai fait jouer du Beluga? Ben oui, pourquoi? Mm-hmm. Ben, parce que d'un, j'aime bien les tout ce qui est mammifères marins, mais aussi, mais aussi c'est parce que l'album, ben en fait, je peux dire l'album parce qu'ils en ont fait juste un, a été réalisé par Louis-Jean Cormier. De choses, là. De Carquois. Carquois, ça veut dire. Oui, et en fait, pourquoi je vous parle de Louis... voyons, je ne me rappelle jamais de son nom. Louis-Jean Cormier, pourquoi j'ai de la misère à retenir son nom? Ça va pas bien. Applaudissements. Pourtant, il est si beau. Ouais, mais son nom. Ben bon, c'est un nom composé. C'est son nom, Calvaire. Louis-Jean Cormier. Donc, pourquoi je vous parle de lui en tant que réalisateur de chansons et de disques, c'est qu'il a assisté au congrès dont je vous parle présentement, c'est-à-dire le Forum sur la chanson québécoise, mais aussi pour parler à quel point c'est important d'être polyvalent quand on est un artiste québécois. Oui, c'est beau de chanter ses chansons, mais avec l'ère numérique qui écroule les profits des chansons québécoise, eh bien, c'est important de produire des chansons ou d'enseigner ou d'être polyvalent, en fait. Donc, lui, Jean Cormier, c'est une preuve comme quoi chanter ne suffit pas, mais produire des albums, c'est payant. Oui. Dixit, Lisa Leblanc. Ah, ben bref. Ben oui, mais ça a été réalisé par Louis-Jean Cormier. Ma future femme. Ah oui? Bon. Non. Je te le souhaite tellement. Ah, je lui souhaite à elle aussi pour qu'elle arrête de chialer. Pas toi, là, Lisa. Ben ouais, C'est clair, là. Elle chiale tout le temps. Je me demande quelle sorte de tune ça ferait si elle sortait avec Annabelle. Hi, ça serait trash en mots d'Asie. Et un cover de la chanson de Serge Gainsbourg. Ouais. Hein? Je vais et je viens en oui. Fait des reins, c'est ça. Okay. On fait des références que personne ne comprend. Parenthèse, on doit dire au revoir à Jean-Philippe. J'ai oublié de le faire tantôt. Merci Jean-Philippe. Salut Jean-Philippe. Oh, salut. Jean-Philippe. Hey, je veux t'apprendre, Jean-Philippe, je ne sais pas si tu savais, aujourd'hui marque la deuxième moitié de notre 5 semaines de co-animation ensemble. Exactement. Ah. On débute la deuxième moitié. Fait que demain, on fait ça avec des ballons. Oui, c'est ça. Des ballons. Ça tombe bien, je suis pas là. Hey. On fait ça mercredi prochain. Ouais. On fait ouais. Mercredi prochain. OK, merci Jean-Philippe. OK, bye. Au revoir. Salut, là. Ça fait vraiment 3D. Salut! Bye! Salut! On le retrouvera demain à 7h. Oui. Donc, David, continuons. Oui, donc, c'était en fait, lui, Jean Cormier, faisait partie de l'ouverture pour le congrès. Le premier thème, qu'est-ce que c'est? C'est très simple, c'est francité et diversité, parce que depuis un certain temps, surtout à Montréal, eh bien, il y a des groupes anglophones qui s'épanouissent, qu'on pense aux Bar Brothers, Radio Radio, Bernard Lakes. Quoique Radio Radio, c'est francophone, mais si on pense, par exemple, même à Grimes, c'est toute la musique anglophone ou presque qui s'épanouit sur la scène underground mondiale. Mm. Mais est-ce que ça permet à la chanson québécoise de s'épanouir? Au contraire, le fait de chanter en anglais, c'est un frein. Eh bien, c'est ce que les gens présents à cet atelier-là se sont posé des questions, mais il y a aussi le world beat, la musique du monde avec des chanteurs qui chante pas le français ni l'anglais, mais d'autres chansons. Par exemple, il y a Bia, qui est une chanteuse d'origine portugaise qui chante... d'origine brésilienne qui chante du portugais. Donc, l'espèce de diversité culturelle qu'on rencontre à Montréal, est-ce que c'est un défi? Est-ce que on l'accueille assez bien, cette diversité-là? Est-ce que c'est un affront à la chanson québécoise d'expression francophone? Bref, ils se sont débattus là-dessus. Le deuxième atelier, c'est la chanson québécoise à l'ère numérique, parce qu'on sait tous que depuis l'ère Internet, les ventes d'albums, oui, notamment, les ventes se sont écroulées. Mm-hmm. Ben, au Québec, c'est pas si pire que ça, contrairement à la France, mais ça s'est quand même écroulé aussi, si je peux dire ça comme ça. Et est-ce qu'on diffuse bien nos chansons? Est-ce qu'on peut utiliser d'autres plateformes comme l'Internet ou encore... en fait, comment optimiser la technologie et comment cette technologie-là peut contribuer à l'essor de la chanson québécoise au lieu de la nuire? Donc, la troisième atelier, c'est la diffusion de la chanson et sa circulation au Québec et hors Québec, parce que les chanteurs québécois, notamment en France, si on pense à Cœur de Pirate, Pierre Lapointe, Ariane Moffat, ont des carrières respectables en France. Ils vendent pas des pelletés d'albums, mais ça va quand même bien. Puis il y a plusieurs chanteuses aussi ou chanteurs qui font des tournées en Asie, en Afrique. C'est sûr qu'on n'en parle pas tant que ça, mais ils ont quand même des carrières épanouissantes. Mais d'un autre côté, les spectacles, les places de spectacles se vendent moins. C'est-à-dire qu'il y a moins de personnes qui vont voir des spectacles de chansons, mais il y a plus de monde qui vont voir des shows d'humour. Ben, les gens sortent moins en général, je pense, de ces temps-ci. Je sais pas, on a tellement de divertissement à la maison que c'est difficile de sortir. Là. Oui, c'est ça. Ben, il en parle justement là-dessus des nouveaux divertissements, puis il y a aussi la population qui vieillit aussi, qui est moins enclin à sortir, qui a moins le budget aussi pour ça. Donc, ça a été le sujet de l'atelier, du troisième atelier, la diffusion de la chanson et sa circulation au Québec et hors Québec. Et pour, en fait, souligner la créativité d'un artiste, en fait, je vais vous présenter un artiste qui a l'air d'être assez innovateur, merci. C'est Noobap. Qui est Noobap? C'est un chanteur hip-hop expérimental qui a, avec son propre ordinateur, fait 27 chansons et qui a même sorti de manière électronique via son ordinateur un EP qui s'appelle Ailleurs. Et lui, il s'est dit, ben, j'ai pas besoin de producteur, j'ai pas besoin de maison de disque, je vais faire mes trucs par moi-même. Et ses chansons passent directement sur Internet. Vous allez même pouvoir l'entendre sur Bandcamp, notamment. Donc, on va écouter la chanson Ailleurs, ben, la pièce instrumentale Ailleurs de Noobap. C'est la langue dans ton oreille dans Assemblage Rock. Oui! Thank you. c'était Noobap avec Ailleurs, qui est considéré comme un artiste du piou-piou. Du piou-piou. Oui. Piou-piou. Oui. Du piou-piou. C'est quoi du piou-piou? Ah, ouais. Je dis ça, puis j'ai le goût de rire dans mes culottes. Comme une drôle d'image. Ben oui, je suis pas capable de concevoir de quoi ça va. Attends, je vais faire comme la face de What the fuck, genre. OK. Et c'est beau à radio. Référence Jackie Chan dans les mémés sur Internet. Là. OK, donc ouais. Imaginez-vous Jackie Chan. Non, mais tu sais, le mème de Jackie Chan. Oh, oui, ouais, c'est ça. C'est comme le Forever Alone. En tout cas. Puis l'autre joueur de basket, puis il y en a plein. Hein? Ouais. Rocky 4. Des heures de plaisir. Oui. Voilà. Alors comme ça, tu ris dans tes culottes. Non, c'est une manière de parler, en fait. Qu'est-ce que c'est? J'espère. Que oui, je fais du figuratif, c'est de la métaphore. C'est beau. Oui. En fait, qu'est-ce que c'est que du piou-piou, petite parenthèse par rapport à ma chronique? C'est un style de musique qui est parti à Montréal. C'est du hip-hop électronique piou, expérimental. Piou. Piou. Oui. Piou-piou-piou. Non, ça, c'est Final Countdown. Ah, tu peux non. Miauler aussi. Piou-piou-piou-piou-piou-piou-piou-piou. Wow! N'importe quoi. En fait, pour revenir de quoi, oui, on parlait en fait du forum sur la chanson québécoise qui a eu lieu lundi et mardi à Montréal. Et là, il nous reste deux ateliers. L'atelier 4, c'était sur quoi? C'était la création, la formation et le perfectionnement en chanson, c'est-à-dire la formation dans les institutions au niveau de la chanson, parce que au cégep ou aux universités, oui, il y a des formations de musique classique ou avec un instrument de musique que tu approfondis, mais tu n'as pas tant que ça de programmes qui t'apprennent à créer une chanson, à être créatif. Mais d'un autre côté, tu as des programmes de technologie où ce que là, avec des ordinateurs, tu crées une chanson de manière électronique. Ouais. Donc, comment favoriser la formation de la créativité, si je peux dire ça comme ça. Donc, sûr que la créativité, c'est quelque chose de très spontané, mais comment permettre, comment mettre des institutions, comment les financer, comment avoir les bonnes personnes qui vont permettre à la relève d'être créative et de nous sortir des bonnes chansons. Donc, c'est notamment ça que ça parlait l'atelier 4. Et le dernier atelier, c'était les mécanismes de financement et l'organisation du milieu de la chanson. Est-ce qu'on finance assez nos artistes? La question épineuse, est-ce qu'on finance assez nos artistes? Ou est-ce qu'on finance les mauvais artistes? Ou, ben, il y a plein de questions là-dedans. Là. Oui, notamment, mais qu'est-ce qui a été discuté aussi, c'est surtout, est-ce que les producteurs, est-ce qu'on les aide assez? Est-ce que les maisons de production sont assez valorisées? Est-ce que le financement est équitable, c'est-à-dire que, par exemple, une salle de 50 personnes à 5 glinglins des murs, est-ce que elle... Belleville en passe. Oui, allez-y. C'est entre la 40 et la... Et un autre chiffre dont je ne pourrais pas vous nommer. Mon imagination étant trop limitée aujourd'hui. Oh. Donc, c'est rare. Oui, il faut en profiter. Donc, les mécanismes de financement et l'organisation du milieu de la chanson, qui est la cinquième atelier. Donc, ça consiste à savoir comment financer la chanson pour que celle-ci s'épanouisse dans le secteur, dans le marché de la chanson. Si je peux dire ça comme ça, marché de la chanson. Mais en fait, par rapport à ce congrès-là, qui a duré 2 jours sur le forum, j'ai 2 critiques à faire. Mais d'abord, c'est très bien qu'il y ait enfin un forum pour dire, bon, c'est quoi le problème? Parce que on remarque que les chansons commerciales ne font que diffuser du boom-boom abrutissant. Il y a quelques émissions de chansons, mais c'est souvent des reprises assez gentilles de vieilles chansons. On pense notamment à Star Academy. Oui, entre autres. Mm-hmm. La Voix maintenant. Hein? Oh. Ça commence. Ça, c'est l'espèce d'infopub où c'est le concours d'infopub où les gens pleurent leur vie, puis oui. Entrecoupés de quelques chansons. Ça arrive que des chansons, oui. Mm-hmm. Oui. Ça a vraiment l'air terrible. J'ai jamais écouté, là, mais ça me donne tellement pas le goût. Hey, mais il y a même la blonde du gars de Karlov Orchestra qui est allé auditionner. Oui, puis le gars de Olinéa qu'on a dit plus tôt cette semaine qui a été ouais. Choisi et tout. Ah ouais. Il y a des gens qui sont supposément underground qui vont par-dessus leurs principes. Ah oui, puis il y a même. C'est la prostitution. Ben, c'est ce que je trouve, moi, personnellement, mais c'est pas tout le monde qui est de sa vie. Ah oui, puis il y a même Andréane Martin qui a été sélectionné. Ah, Andréane Martin, qui est une ancienne collègue ici assez fou, qui n'a jamais fait de radio, je crois pas. Elle fait les présentations de la barrique dans le dîner de cons. Ah, c'est elle! Pour avoir un lien, là, si on peut rapprocher elle. Ça. On sera attentif voilà. Ce midi. Mais bon. Oui, donc, du potentiel local, c'est bien. Mais en fait, l'autre critique, c'est que ça s'est tenu à Montréal. Oui, il y a des préoccupations régionales dans les discussions qui ont eu lieu durant les deux jours, mais ça aurait été bien qu'il y aille peut-être un plus petit comité ou avec peut-être moins de monde, mais qui se promène partout au Québec pour savoir, OK, où est-ce qu'on en est rendu au niveau de la musique en Abitibi-Témiscamingue? Où est-ce qu'on en est rendu en Gaspésie? Je vais vous faire vraiment un exemple bête. Vous allez trouver ça très bête, mais vous allez comprendre ce que je veux dire. Dans les années 80, l'industrie du disque au Québec allait très mal. Ça se vendait plus de disques. On essayait de faire de la New Wave pour la ressusciter. Même Paul Piché faisait de la pop. Puis Michel Rivard aussi. Donc, tout le monde s'était adonné à la pop. Ça relevait un petit peu les ventes de disques, mais il a fallu attendre vraiment aux années 90 que là, le boom revienne, si je peux dire ça comme ça. Et, OK, vous allez me trouver comme un petit peu commercial, mais des chanteuses de région, comme Kathleen et Laurence Jalbert, oui, c'est sûr que c'est commercial, mais avec leur personnalité particulière, qu'on les aime ou non, qu'on les trouve mainstream ou pas, ils ont quand même un petit peu fait bumper les ventes d'albums. Et c'est des filles de région comme Kathleen qui vient, je me rappelle plus quel coin qui viennent, mais c'est ça, on a revalorisé des artistes qui venaient des régions. C'est pas eux autres qui chantent « Apouche ta bouée ». Oui, entre autres. Hey, vous me perdez tellement là-dessus, je sais pas. Kathleen, c'était un groupe autochtone, c'est un duo autochtone et c'est été le premier à avoir un hit numéro un. C'est bon, moi j'aime vraiment ça. Oui. Puis tu connais pas ça, Mathieu? Non, mais non. Puis le guitariste, c'est Florent Volant. Ah! Qui est un chanteur qui fait encore des albums et regardez, lui, c'était Movember à l'année longue, des années 90. La grosse moustache. Oui, donc c'était mes deux... Florent Volant puis Guy Guidon. Non, l'autre, c'est... Volant. Ah. Guidon. Ah, OK. Hey, tabarouette. Ronge ton frein, Mathieu, sur les blagues. Oh! Pince à la clutch, ça switch. Change pas, galéper. Oui. Quelle chronique partie sur les chapeaux de roue jusqu'à temps. No! Oh! Wow, moi aussi, je suis capable de faire des jeux de mots douteux. C'est non-stop. Oui. Non. Donc, c'était mes deux critiques par rapport au forum, mais c'est quand même bien qu'il y ait cette attention-là. Et Vous, question comme ça, qu'est-ce que vous pensez de l'état de la chanson québécoise actuelle? Mon Dieu, c'est large comme question, hein? Ouais. Quand même qu'on a de la misère à trouver des bonnes chansons pour le palmarès francophone de ces temps-ci, j'en entends tellement parler par le directeur musical. Et tout ce qu'on a en ce moment comme nouvelles entrées, c'est genre des tirs de coyote puis des choses qui ressemblent toutes à Lisa Leblanc. T'sais, Chantal Archambault, même elle, commence à sonner pas mal Lisa Leblanc. Je crois qu'elle était là avant Lisa Leblanc. Même chose pour Michel. Mais elle chantait pas de même, ça. Ah ouais? Je sais pas. Ben, je sais pas si Louis-Jean Cormier est encore impliqué dans la réalisation de l'album. Faudrait que je vérifie, là. Ouais. Ah non, je pense que c'est pas lui, mais en tout cas, c'est pas. Mais ça me déprime un petit peu, mais bon, c'est pas pour moi, c'est pour Steph. Steph, elle aime ça. Oui. Annabelle, elle aime ça, je pense. Oui, Annabelle, elle aime ça. Ben, tant mieux. Ça prend justement des gens, des artistes qui font pas l'unanimité. L'unanimité. Ben, on dirait qu'il y a trop de N puis de M dans le mot. L'inimini-magimo. Oui, avec Joël Legendre. Oui, tellement. On va encourager l'industrie à acheter son disque. Non, c'est pas vrai. Il chante des trames sonores de... Il chante Aladdin, ça, je sais qu'il chantait ça. Ben, mon Dieu, il chante pas mal tout... dans tous les films. Mais bon, c'est vrai que la chanson québécoise, il y a des chansons qui ont fait comme « wow » ou d'autres qui ont fait « ben, t'aurais dû te forcer un petit peu, là. » Ou « fermer ta gueule. Hey. » Oh, tac! Non, il y a des bonnes choses. Ouais, mais il y en a que c'est ça. Ouais, il y en a que c'est moins ça. Il y a plein de bonnes choses, juste qu'il y en a moins d'habitude, il me semble, par rapport aux années passées. Mais bref, il nous reste une dernière pièce à écouter. Oui, on va écouter une pièce de Plaster avec... Ah, c'est bon. Oui, j'adore. En fait, j'avoue que je connaissais même pas tant que ça, Plaster, à part les remixes, qu'un des membres, c'est-à-dire Jean-Philippe Concavelez, faisait pour Ariane Moffat ou encore Pierre Lapointe. Donc, j'ai connu un des membres de Plaster là-dessus, mais il y a également eu la collaboration de Concavelez et... Hey, j'ai de la misère avec moi, juste Goncalve, puis je me sens comme Goncalve. Bizarre. Mais si, on prononce le S je dans son pas, nom. Je sais pas, mais c'est tellement plus simple que de se mêler comme une fois dans le nom. Comme je l'ai fait pendant deux fois, Goncalve, ça va bien. On dirait Marc Labrèche. Oui, merci. Elle était super bon. D'habitude, j'imite pourtant François Pérusse sans m'en rendre compte, mais bon. Ben, c'est ça, justement, Jean-Philippe Goncalve, c'est un petit peu mieux. Oui. Donc, lui, il a participé à des groupes comme Beast, un groupe anglophone, Plaster, qui est un groupe anglophone. Donc, lui, fait partie d'une relève créative, mais qui chante en anglais. Puis aussi, les membres sont francophones, si je ne me trompe pas. Donc, on va écouter une chanson qui s'appelle, au titre bizarre, de Bogo Géré. Go-getter, sorry that I left you in the cold, no sweater. I don't fall for the hoes and the pressure. Too much overload for your senses. Go ahead, take your pose in your senses. I'll be on a roll, rock and roll, getting senseless. When y'all gon' come to your senses, recognize real in the field, in the trenches. Eh, guess they don't know better. Here for a minute, but the music's forever. Trying to grow old, blow cheddar. With my people that I keep close center. But I school y'all, professor. If you're full of tough talk, pro wrestler. Never go against the grain and the texture. Show love and expect no less. Mais c'est quoi cette musique d'adolescent retardé défoncé? Gustave! YOLO, Gustave, YOLO! Je suis outré. Oh, l'accent français s'en va des fois, là. Ya yeah, oui, je commence à devenir un mot, t'advine, de québécois. J'ai pas le choix à force d'écouter des chansons québécoises comme Lisa Leblanc. Ah, oh, mon Dieu. Ma future. Ah, t'aimes ça, hein, Lisa Leblanc? Oui. Ouais, c'est pour ça qu'on est pas, on s'entend moins bien, Gustave et moi, que David. Mais moi, je l'aime bien, Gustave. Oui, il est sympathique. Dépendant quand il soigne ses blessures et tout ça, parce que des fois, j'imagine que les plaies sont tellement douloureuses que c'est pour ça qu'il est désagréable un peu par moment. Oui, mais c'est pas grave. J'apprends à survivre. J'ai survécu à une tuberculose, donc toute maladie ne m'affecte plus. Mais en fait, on vient d'entendre, parce que David ne sait pas du tout prononcer les mots et tout ça, donc il a un petit peu de difficulté. On vient d'entendre Bouc Géré du groupe Plaster. Bien dit, hein? Oui. Donc, vous voyez, il faut que je remplace David, parce que David a de la difficulté. Par exemple, dire Jean-Philippe Goncalves, il a de la difficulté, alors que moi, je le fais très bien. C'était parfait. Là. Oui, et d'autres mots, par exemple. Comme difficulté, la difficulté. Comme l'unanimité, je suis capable de le dire. Cette pièce-là a fait l'unanimité, c'est un bon mot pour dire ça. Je pense que tout le monde a adoré celle de Plaster. Ah oui, c'est vraiment bon. Vous voyez la preuve. Et moi, je mettrai des succès de Mireille Mathieu. Je suis sûr que vous allez aimer ça. Vous écoutez de la musique de défoncé. C'est quoi le problème? Eh bien, là, il y a eu le forum sur la chanson québécoise dont David parlait avant. Eh bien, ils n'ont pas parlé de la dépravation de la chanson québécoise. Ah. Je m'excuse, mais quand une chanteuse country folk fait la promotion de repas peu appétissant... Le Kraft Dinner. C'est révoltant. Mon estomac a envie de faire la grève. C'est bon, du Kraft Dinner? Oui. Avec de la saucisse à deuil. Mieux, oui. Non, c'est pas vrai. Avec du brocoli cuit vapeur dedans, c'est malade. Ça, peut-être, oui. Ou des petites miettes de bacon, mais bon. Bon, c'est sûr que quand on dépense toute son allocation dans la sangria, c'est sûr qu'on peut apprécier le cuisineur, évidemment. Bon, merci pour ce commentaire éditorial. Gontran, Gustave. Excuse-moi les noms de même, Gontran, Gustave. Ouais. Tout en jeu. Bon, ben merci, Gustave. Tu peux t'en aller. Ah, donc, c'était la fin de ma chronique. Ah, Gaston, il est parti. Gustave, Gaston, Gontran, Germain, Gustave, Goncalve, de la fenêtre. Jean-Philippe voilà. Goncalve, de la fenêtre, bouc géré. Voilà. David Ferron, on te remercie toi aussi. Ben, ça m'a fait plaisir. Pour le trois quarts de la chronique, et on te retrouve la semaine prochaine, mercredi à 8h. Oui, mais en fait, je vais venir à toutes les deux semaines la prochaine fois. Ah, d'accord, tu mets ça là? Okay. Oui. Bon. Non, ben oui, je suis un homme de surprise, t'as pas compris ça? Donc, pas la semaine prochaine, dans deux semaines. Oui. À partir de là, c'est d'autres. OK, parfait. Good. J'aime ça me faire désirer. On se retrouve donc le 20 février. Oui. Ah, mais Gustave sera pas là non plus? Non plus. Lui pourrait venir aux deux autres semaines en alternance, tu sais, faire un petit ouais, comme ça, t'es... Parce que ça a l'air. T'arrêtes une semaine de repos. Ouais, je vais pouvoir pratiquer mon vocabulaire. Il va pouvoir pratiquer son. Ah, toi, tu vas pouvoir. Ok, je comprends la. Oui, c'est David qui parle. Excuse-moi, j'ai mélange. C'est la moustache qui me va pas. Il y en a un qui a une moustache, l'autre qui a pas de moustache. La face est pareille. Ok, c'est bon. Parfait. Fais pas semblant d'avoir une moustache, là, David, parce que tu vas mêler encore plus. Ah, c'est bon. Ben, merci de m'avoir écouté. Puis. À dans deux semaines. J'espère que dans les chaumières, ça va parler de chansons québécoises. Fort certainement, toujours. Tu provoques des conversations. Garde déjà. Ben, au revoir tout le monde. Au revoir. On prend une pause au retour. La chronique d'Annabelle Maton, je t'aime moi non plus. Aussi. Je viens, on te retire. Mais retiens-toi. Mais je me retiens, c'est le reste de les paroles. Jeune dépravé! Rassemble qui pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Le plan de demain à assemblage requis. Jasmine Raymond-Réville sera avec vous pour parler des prochaines activités de la GEQTR. On jasera de l'actualité politique avec François Landry et son segment Logocratie 101. Et on recevra Maxime Bilodeau avec sa chronique sur la culture sportive d'une foulée à l'autre. C'est demain 7h à assemblage requis. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous écoutez Assemblage requis jusqu'à 9h. 8h49, je réalise qu'il est beaucoup trop tard pour commencer une chronique, mais il est aussi beaucoup trop tard pour enfin souhaiter bonne fête à ma copine Marie-Ève, que j'ai pas fait depuis le début de l'émission, parce qu'on avait trop d'affaires à faire, puis j'ai pas pensé. Cheap. Mais elle va pouvoir l'écouter en rediffusion. Bonne fête, Marie-Ève. Ben oui, bonne fête, Farfar. Des ballons, des clous. Ah oui, on va chanter. Joyeux anniversaire, Marie-Ève. Joyeux anniversaire, Marie-Ève. Joyeux anniversaire, Marie-Ève. Joyeux anniversaire. Ballon, des pipes. Ding, ding. Fais du triangle, ding, ding. Hurrah. Ça, c'est des petits gens de... Ouais, les flûtes de crasseur qui shake. Piou, piou. Maracas. Le triangle, tant qu'à faire. Ding, ding, ding. Ding, ding. La petite cuillère. Non? Je t'appelle. Ça vient à poivrière. Oh my god. Chance que ta blonde t'aime comme t'es. Elle dit, là, niaise-moi pas, péris pas de moi en nom. Puis là, elle dit, là, dis pas que j'ai dit qu'il fallait pas que tu niaises en nom. Fait que là, je fais. Bon, c'est ça. Fait que t'as même dit la. T'as même dit la recommandation t'sais, de. Franchement, Mathieu. Bon, on va complimenter comme ça. Elle a tellement des beaux cheveux. C'est cool, hein. Oh, moi, je capote sur ses cheveux, là. Quelle magnifique petite blonde. Ouais. Je pensais que t'allais continuer ses compliments. Ah ben là, en plus, Annabelle va pouvoir te donner des idées pour fêter son anniversaire ben ce oui. soir dans sa chronique. Ah, quel beau lien. Voici Je t'aime, moi non plus. Je suis sur la bonne fenêtre. Oui. Je t'aime. Ah oui. Je t'aime. Oh. Ah ouais, je oui, t'aime. Marie F. Picard. Donc, c'est la chronique que je t'aime, moi non plus. À chaque fois, à chaque semaine, Mathieu. Mais comment tu veux commencer autrement? Hein? Comment tu veux commencer autrement que ça? Arr. Comme un matelot. Comme un homme viril. Un pirate, oui, poilu du chat. C'est ça. Juste la fourrure de léopard. Non, moi, les trucs d'animaux, genre léopard, zèbre, non, t'as pas un beau petit string en léopard pour ce soir? C'est dégueulasse. J'espère qu'il n'y a pas ça. Je peux te confirmer que non. J'ai pas ça. Donc, on D'accord. parle du Kamasutra aujourd'hui. Ben oui, aujourd'hui, je me suis dit, mais quel beau sujet, parce que la Saint-Valentin s'en vient. Oui. Alors, pourquoi ne pas démystifier ce que c'est vraiment le Kamasutra et donner quelques petits exemples de positions à faire pour cette fabuleuse soirée. Ça va vous laisser le temps de vous pratiquer. On va pouvoir les mimer aussi en studio. Malheureusement pour vous, vous allez manquer ce merveilleux spectacle. Est-ce qu'on ouvre la webcam? Pas sûr, pas sûr. T'as pas pris de photos, rien? Ben non, mais au pire, je peux aller chercher sur le site internet. Même ça, sur le Facebook d'Assemblage Requis. Ah, quelle bonne idée, Mathieu. Oui. C'est ça. S'il te plaît. Ouais, mais oui. Oui. Alors, c'est ça, Kamasutra, qui signifie aphorisme du désir étymologiquement. C'est un livre indien qui porte sur ce qu'on appelle la vie privée aujourd'hui. Le livre, même s'il est connu pour ses 64 positions sexuelles, j'ai décidé de vous nommer c'était quoi son utilité première. Ça a l'air d'être pas tant que ça, 64, mais en même temps, je veux dire, parce qu'il y a qu'un certain nombre de choses 64. Qu'on peut faire possiblement. Oui, mais assez acrobatique, je te dirais. Ah, fait que c'est 64, comme tu sais, le temps que tu prends à les pratiquer puis à bien les maîtriser, ben après, pour avoir du plaisir, t'en as pour une année, mettons. Il aurait dû en trouver au moins 5 autres pour faire 69 puis que la 69e soit le 69, tu sais. Mais tu sais, tu dis 64, ça n'a pas l'air beaucoup, mais honnêtement, là, dans un couple, semble après. Généralement, il y en a d'années. 4. Dans moi, c'est un couple ça, c'est qui ça. Qui reviennent tout le temps. Wow. Fait que 60 de plus, je trouve que c'est assez bien, là. Ouais. C'est ça. Fait qu'il apporte des informations sur la vie privée, dans l'Inde ancienne. Il aborde des conseils de bon sens, le comportement du citadin, le choix d'une épouse, les devoirs et privilèges de l'épouse, des courtisanes, les méthodes occultes aussi. Mais puis en plus des pratiques liées à la sexualité, c'est comme un mince chapitre en fait. Il est intéressant de noter que dans ce livre-là, l'homosexualité féminine et masculine est jugée tout à fait naturelle. Bon. C'est bien ça. Hein? Ouais. Il donne de doux conseils de séduction afin de vivre une vie de couple harmonieuse. Donc, c'est pas juste un livre consacré au sexe, mais c'est aussi un guide qu'une personne cultivée se doit de connaître. Bien, se devait, en fait, parce qu'aujourd'hui, on s'en sacre un peu. On y traitait de l'usage de la musique, la nourriture, des parfums, de tout ce qui titille la sensualité puis les bonnes relations, en fait. À l'origine, le livre était principalement destiné aux hommes et aux courtisanes. Mais on y donnait aussi des conseils à toutes les femmes. On apprend... les hommes peuvent y apprendre qu'il n'est pas nécessaire de seulement maîtriser la pénétration, mais aussi qu'il est bien de maîtriser les baisers, les caresses, puis les trucs plus croustillants comme les morsures et les griffures. Ah, c'est cool! Sortir un peu de... C'est juste ça, la sexualité. C'est pas juste génitalité. Mais tu sais, c'est... En tout cas... Tu sais, morsures et griffures, il y a déjà des gens qui ont de la misère avec ça. T'sais. La gifle... Hein? On va y venir plus tard, mettons. D'accord. C'est aussi un guide qui décrit le comportement à avoir de la part des deux partenaires avant l'acte. Comme, en fait, c'est comme un guide de préliminaire. La femme a une place bien spéciale dans le Kamasutra. À l'époque, la religion, puis comme toutes les belles petites censures qui sont venues. Oui, le clergé. Oui, c'est ça. Elle avait une certaine liberté, mais tu sais, le clergé en Inde, on s'entend, là, mais tu sais, il y avait quand même des censures qui se sont établies par la suite. On retrouve des conseils assez juteux pour les épouses, non seulement pour séduire, puis bien s'occuper d'une maison, tu sais, les tâches qu'une femme se doit de faire dans la vie, là. Mais aussi pour ce qui est de la manière de tromper son époux, à noter que c'était du sarcasme. Oui, oui, non, pour j'avais compris. Pour les rôles sociaux, oui, merci. Non, c'est bon. D'où mon rire. Oui, c'est ça. C'est pas tout le monde qui comprend le sarcasme. Hein? Ouais. Premier degré, c'est pour ça points. Que je le spécifie, tu sais, ouais. Parce que c'est vraiment du sarcasme, je le pense pas. J'ai pensé à vous décrire quelques positions, c'est ça, pour agrémenter votre petite Saint-Valentin. Même si vous êtes célibataire, on sait jamais. Tu sais, peut-être qu'un ou une de vos amis pourrait la passer avec vous. On va commencer par les classiques, l'union du lotus. Ah oui, c'est beau ça. Fait que je vais vous la décrire parce que c'est pas évident pour tout le monde. Hein, qu'est-ce que c'est un lotus? Pour les grands romantiques en fait, parce que l'homme est assis en position indienne, les jambes croisées, puis la femme vient sur le dessus en mettant ses jambes autour de la taille de monsieur. Fait que ça laisse une totale liberté pour les caresses, pour embrasser. Oui, c'est ça, il y a une grande intimité parce que tu regardes ton partenaire, tu ne fais pas dos ou tu es vraiment mais très intime. C'est ça, puis tu sais, c'est tellement comme les deux sont dans une espèce de cocon avec les jambes repliées, puis tu sais, il n'est pas nécessaire de pénétrer tout de suite. Ouais, c'est ça. Il est intéressant. D'habitude, les hommes sont souvent très pressés de mettre l'explorateur dans la caverne. dans cette position-là, vous pouvez prendre votre temps. La lampe dans la grotte. Voilà. Mais il y a une autre position aussi que je trouvais très drôle là, par le nom, là, la position du bateau ivre. C'est juste de te saouler avant. Madame se place au bord du lit avec les jambes... pendouille, là, les jambes qui ballottent. Puis monsieur la prend par les chevilles, grimpe ses jambes. Puis, c'est ça. Il prend le contrôle des opérations comme un gouvernail. Ouais. Alors, monsieur, c'est le temps d'être viril. On se laisse aller. Déguise la fille en ginger. Mais, en fait, ce qui est intéressant ça, dans cette position-là, c'est qu'on a comme une belle vue, genre, sur notre partenaire, tu sais, la femme qui est couchée. Une et vue tout. Imprenable. Hein? Ben oui, voilà. Mais tu peux pas la prendre. Non, impossible la vue, de la prendre, oui. Tu peux juste prendre la fille ou ben les oui, filles. Puis la femme a aussi une belle vue sur son homme. C'est voilà. Intéressant. Oui, et le bateau ivre, c'est parce que t'as pas vraiment le contrôle, là. Tu tiens les filles, voilà. Puis ça ballotte un peu, là, mais tu sais, la femme n'a pas le contrôle, en fait. Ben, à peine, disons. Tant que la fille n'a pas le mal de mère. Prends les petits gravats. Prends ton gravat, ben oui, c'est bon ça. Oui, c'est ça. Dans la catégorie, il y a des positions de dos. Je la trouvais drôle, celle-là, la mystérieuse entrevue. C'est juste... comment je pourrais dire? C'est les deux partenaires sont debout, la femme est de dos et l'homme la prend par derrière. Fait que c'est assez intéressant pour les adeptes de ce demi. Mais par pénétration vaginale, il est bien de s'accouder, de s'appuyer contre une surface. Puis, en passant, le point G est comme très bien stimulé dans cette position-là. Oh. Bon à savoir. Ouais, ouais. Le point G dont tu nous parlais il y a quelques semaines et puis on a retenu... Deux semaines, c'est ça? J'espère qu'on a retenu l'endroit où c'est situé. Retournez écouter l'émission d'il y a deux semaines. Mais j'espère, c'est ça. Et puis moi, une sérieuse entrevue, ça me faisait penser à nos micros phalliques en studio, mais c'est pas rapport. Non, je pense que c'est comme c'est vraiment dans ta tête ce match. Ça peut, non, c'est possible. Il y a aussi la grenouille à la nage. C'est un peu, tu sais, pour ceux qui ont des maux de dos, c'est peut-être pas à conseiller, là, mais tu sais, ça a l'air vraiment plaisant, en fait. C'est comme en levrette, à quatre pattes, pour ceux qui savent pas c'est quoi la levrette. Barouette, c'est ça? Non, quatre pattes? Non, pas du tout. Okay. À quatre pattes, c'est ça. Puis là, la femme s'appuie sur ses coudes, puis dans le fond, elle s'appuie aussi sur ses seins, dans le fond. Elle a comme les fesses ressorties, puis elle vient mettre ses mains dans son dos. Puis l'homme, quand il la pénètre, ben la femme vient... comment je pourrais dire ça? Elle vient croiser ses pieds derrière les cuisses. Ce qui fait que l'homme est comme prisonnier. Ah, puis oui, elle, oui. Ben, tu sais, elle peut comme plus ou moins bouger. Elle a un peu plus de contrôle que... Non, mais l'homme, en fait, ça nécessite que l'homme soit souple du bassin pour pouvoir comme mieux bouger, genre. Puis l'homme vient s'appuyer sur les omoplates de sa partenaire. On a ici une belle intimité. Il y a aussi la position du coquillage. C'est le missionnaire comme position de base. Je ne sais pas si vous allez bien saisir comment je vais le décrire, mais l'homme se redresse sur les genoux, puis il prend comme les hanches de sa partenaire. Par les cuisses, en fait. Dans le bassin surélevé, c'est ça? Plus ou moins, c'est ça. Mais oui, avec un coussin, là, c'est sûr. Mais je veux dire, je sais pas comment le décrire, c'est en fait. On va mettre la photo. On va mettre la photo. On va pouvoir tout aller voir ça pour tout essayer le ça ce soir. Le gars plus à genoux, puis la fille. Ouais, le gars plus à genoux, la fille avec un coussin en dessous des fesses. Puis en général, le gars comme la prend par les cuisses, puis c'est comme vraiment lui qui contrôle les choses. Okay. Alors, c'était la position du coquillage qui apparaît Je vois pas le coquillage, par contre. T'entends l'eau. Mais le coquillage, parce que la femme a le con bien en évidence. oh, la vulve bien en évidence, là, le coquillage. Ah, OK, OK. OK, parce que là, il y a coquillage, ça dit coq dedans, fait que ça l'a comme un petit peu... Oui, ça l'a un peu troublé. Ben oui, moi, c'est sûr, j'ai pensé tout de suite à ça. Puis je pense qu'il y a aussi, il y a aussi l'option de rapprocher les jambes puis de les envoyer comme plus... ben, les genoux vers le visage de la femme, là, comme ça, on voit vraiment ben, le coquillage. Mais oui, disons-le, le coquillage. Ouais, voilà. Puis j'avais pensé aussi en prendre une assez acrobatique pour les plus téméraires. Il y a la position du cerf en rut. ça demande comme une musculature assez élevée pour monsieur, parce qu'il faut qu'il soulève sa partenaire, puis sa partenaire doit avoir une assez grande souplesse pour pouvoir sortir les fesses le plus possible. Je vous explique c'est quoi. En fait, c'est comme on reprend la position de la mystérieuse entrevue. En fond, debout, la femme de dos. Mais l'homme va la prendre par les hanches, puis la femme est totalement... Ben, totalement dans les airs. Finalement, elle ramène les jambes vers elle. C'est pour ça qu'il faut absolument que la femme soit souple pour sortir les hanches, parce que sinon, la pénétration est juste pas possible. Puis pour vous aider, vous appuyez les pieds contre un mur. Sinon, oui. Wow, ça a tellement pas l'air confortable. Non. Comment s'abandonner quand t'es obligé de te courbaturer comme ça? Mais je pense que quand tu la maîtrises, ça peut être comme assez plaisant, parce que t'es totalement abandonné, justement. Ouais. C'est vraiment comme l'homme qui... Puis t'en as 63 autres pour te pratiquer, tu y vas de plus en plus difficile. Ben ouais, y a-tu étape par étape? David qui a été chercher une image. Une photo, ouais. Ben, la photo. Ouais, voilà. Un dessin. Ouais. Voilà, alors, ben bonne chance. Puis, ben organisez ça, Saint-Valentin, ça va être cool. Wow. Alors, hey, maintenant, on part en musique avec Jean Leloup et Sans d'encre. Exactement, on écoute ça à Assemblage Requis, puis on vient pour se dire au revoir juste après. Ça va partir. Là. Ouais, maintenant. Je me suis fait sans d'encre pour toi, comme une pierre dans un gros bac chinois. Avant ta gueule ce matin, je te crois. J'ai bien fait de penser très fort à toi. J'ai envoyé des chansons dans les airs, en espérant qu'un pigeon voyageur te les chanterait par jour ou noirceur, jusqu'à ce que tu reviennes par ici, par ici, par ici. Ne me raconte plus jamais de salade, dis-moi toujours quand tu te sens malade. J'ai une épaule bourrée de pouvoir, il paraît qu'elle aide à pleurer dans le noir, dans le noir. Ce matin, les bobos sur tes bras. J'ai bien fait de penser très fort à toi. Que nous soyons amis ou amoureux, mais maintenant nos cœurs battent à deux. Je te comprends beaucoup plus que tu crois. Alors s'il te plaît, la prochaine fois, appelle-moi, appelle-moi, appelle-moi. Enfin aujourd'hui te revoilà, avoir les cicatrices sur tes bras. J'ai bien fait de penser très fort à toi. Je me suis fait un sang d'encre pour toi. Je me suis fait un sang d'encre pour toi, comme une pierre dans un gros bac chinois. Avant ce matin les bonbons sur tes bras, j'ai bien fait de penser très fort à toi. Je me suis fait un sang d'encre pour toi. Je me suis fait un sang d'encre pour toi. Je me suis fait un sang d'encre pour toi. Que tu m'avais fabriqué hier à 5h moins quart, c'est brisé. Que s'est-il passé à 5h moins quart? Probablement qu'on te voulait du mal. Je me suis fait un sang d'encre pour toi, comme une pierre dans un gros bac chinois. Avant ce matin les bobos sur tes bras, j'ai bien fait de penser très fort à toi. Jean Leloup et la pièce Sans d'encre dans la chronique d'Annabelle Maton. Je t'aime moi non plus. C'était bon, hein? Ah, oh, c'était si bon. C'était l'aime. Les paroles, c'était comme tu disais, un petit peu peut-être déprimant, triste. Hein? Ben, c'est comme extrêmement beau, mais vraiment très triste en même temps. Là. Ouais. Bon, on l'aime tellement, Jean Leloup. Oui. Tellement. C'est tout pour ta chronique? Oui. Alors, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, mercredi, vers les 8h30, je mets vraiment ben, vers les 8h45. C'est ça, environ. Ouais. On essaie de se contenir un petit peu. Mais là, on a appris que David va être là aux deux semaines, donc j'imagine qu'on va pouvoir... Okay. Demain, 8h20, d'abord. C'est ça. Pas demain, la semaine prochaine. Ben, j'ai deux semaines pour plus avoir le temps de venir durant le palmarès. C'est fou. Exactement. On va te retrouver aux deux semaines au palmarès. C'est fou, les jeudis, entre 15h et 18h. Mais pour Annabelle, merci beaucoup aussi. Mais ça fait plaisir. Je pense que ça va être le moment de se quitter, ou presque. Ouais, c'est le moment de se quitter. Pas mal, là. On va se quitter avec la musique de... on avait deux affaires à écouter tantôt. Ouais. Laquelle est-ce que je fais jouer? Ah, ben, je peux passer mon tour. Ça me dérange Moon pas. Run. Okay. Ah oui. On se quitte avec Half Moon Run. On jouera demain notre ami Bernard Adamus pour Stéphanie. Ah, OK, merci. Voilà. Merci, Mathieu. Ça fait plaisir. On remercie David Ferron, Jean-Philippe Charbonneau, Annabelle Maton, Stéphanie Paradis. Ben, de rien. C'est tout. Merci à vous tous. Gang! Toujours un plaisir, n'est-ce pas, mes amis? Yep. Notre émission folle du mercredi se termine là-dessus. Demain, à l'émission, qu'on a un beau programme pour vous. On va avoir Jasmine Raymond-Drainville de l'AGA-UQTR. On va parler avec François Landry de politique et Maxime Bilodeau avec sa chronique d'une foulée à l'autre. Et lui, il va nous parler, en fait, de sexe, drôlement. Sexe et activité physique, vous n'hallucinez pas, ces deux sujets qui semblent pourtant si peu compatibles seront bel et bien abordés dans le cadre d'une foulée à l'autre. Et ce sera du sérieux quand nous attarderons à rien de moins que 5 sujets distincts ayant trait au thème du sexe et de l'activité physique. Tout ça avec une très grande pertinence ainsi qu'un semblant de bon goût. Vous aurez été prévenus. J'ai le goût de venir demain. Ben, tu viens quand tu veux, Steph. Donc, on se quitte avec Half Moon Run, c'est Call Me in the Afternoon. Passez une bonne journée, tout le monde. Bonne journée. Au revoir. Salut. Bye. You can have it if you don't mind. Somewhere or the other, stay with me. You confuse me with your riddles and your sudden generosity. Call me in the afternoon, even by one, by one. Call me in the afternoon, even by one, by one. Such a petty price to pay. Call me in the afternoon, even by one, by one. Call me in the afternoon, even by one, by one. Be anyone that I want now.